Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 8 de la saison 2013-2014 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, Jean-François Crompe, le numéro 21, David Thibodeau et le numéro 7, Martin Véro. Yes, foule en délire. C'est malade. Fade out de foule. Fade out sec, mon gars. Il arrête vite dans la salle. C'est comme boyal. Ouais. Arrêtez! Ça, là, c'est comme des foules comme aux États sont disciplinés. Eux autres, ils ont un guide, puis ils savent que quand l'intro est fini, il faut que t'arrêtes de parler en fade-out. Non, c'est pas une foule comme aux États, parce qu'aux États, ta foule aurait fait comme USA! Leur seule réplique qu'ils ont à dire à. Avec son boucher, là. Ouais, c'est USA. Ça, là. Ouais, c'est ça, là. Ben, bonsoir, les gars, et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à la soirée du podcast. Nous sommes dans un show de discussion ouverte sur les activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey, et on vous en parle avec passion et boisson. Effectivement. Et on commence avec une mauvaise nouvelle. Alex Galipo, le numéro 98, qui est sur la touche ce soir, il était supposé de venir. Mais en fait, il était là, puis il a dû quitter de façon impromptue. Il a levé les feutres. Problème au niveau du canal famille, là. Alors, ben, prompt rétablissement à tout ça, Alex, là. Ça ou le canal différent, là, qu'il appelle. Le canal en différé. Ouais. Okay, et voilà. Des problèmes de rigurgie. Ouais. Ben ouais. Non, ouais, mais non. Pas. Ben, écoute, c'est compliqué. Oh. C'est compliqué tout ça. On se fera un show spécial juste là-dessus. Ouais. Ben oui. Ouais, on se fera un show. C'est tellement intéressant. On se fera un show de santé. Wow, ouais. Avant de commencer la game, les gars, vous pouvez retrouver la soirée du podcast sur young.ca, également la soirée du podcast.ca, sur iTunes, sur Stitcher et RZO, comme la voix off l'a si bien dit au début. Mm-hmm. N'est-ce pas? Et présentement, on est en direct au young.ca/live. Puis pour ceux qui nous écoutent en direct, vous avez droit en primeur à la game. La game d'aujourd'hui, du 18 janvier 2014. Puis là, Souban vient de faire un petit ouais. coup de là, là, là, les gars, je prépare mon sifflet parce qu'il faut que je vous tienne en laisse pour ne pas être trop déconcentré par la game qui joue. Ouais, ben, ça va être dur parce qu'en plus, c'est Toronto-Montréal. Ouais, c'est une grosse rivalité. En tout cas, ouais. S'il se passe quelque chose, là, on va être aux premières loges pour vous en parler là, aujourd'hui. On vous l'annonce. Parti comme c'est là, le Canadien a l'air d'avoir commencé la game comme quand ils ont joué contre les Sénateurs. Là. Fait que, et ça va pas bien dans ta bande. Hein. Vous pouvez nous envoyer vos questions, commentaires sur facebook.com/lasoireedupodcast puis twitter.com/soireedupodcast. Toutes ces places-là. Toutes ces places-là, tous ces formats. Sur ça, êtes-vous prêt à commencer cette partie-là? Oui, oui, je pense. Oui? Je crois. Oui. Ah ouais, pas ouais. Ça, let's go. Lassez vos patins, on commence. Yeah. Et oui, alors on drop la puck et on commence la première période. Bon, première période, on revient sur les activités des dernières semaines, Dave, des deux dernières semaines du Canadien, fait que... Oui, la dernière game, c'était jour de podcast contre les Sénateurs, justement. Allons-y en premier avec les stats générales, voir... Qu'est-ce que vous savoir d'abord, là? On va voir le Canadien, où en est-on présentement avant la game de Toronto. Là, tu me mêles dans mes affaires. On a 48 matchs de jouer avec... On est troisième dans l'Est, là. On est quatrième dans l'Est. Excuse, quatrième, ok. Quatrième, dans la division, troisième, ouais. C'est ça, on est troisième dans l'Atlantique, là. Ouais, mais c'est ça qui est important. Ben là, moi je parle des statistiques S-Ouest. Là. Fait que on est 27 victoires, 16 défaites, puis 5 défaites en prolongation pour un total de 59 points. Ben, derrière Tampa Bay, Boston et Pittsburgh. Et Pittsburgh? Pittsburgh. Oui. Pittsburgh. Fait que c'est là qu'on en est sur mais les on, stats. Mais on a quand même la place, la troisième place dans l'Atlantique pour, ouais, c'est bon. Pour la place. Avec une bonne petite avance sur... quand même, là, de, une couple de ben, points. 59 là, points, puis les 53, plus proches après, c'est comme 53-52. Ouais, donc. C'est ça. Ben, puis 52, c'est Washington, puis son métropolitaine, eux autres. Donc, non, c'est bon. C'est, ça va bien. Ça va très bien. Ah ben ça, c'est malgré tout ce qui se dit sur le Canadien, sur Michel Therrien, sur Marc Bergevin. Non, non, mais belle position malgré tout. Ouais, c'est ça. Ben, mais beaucoup d'incohérences dans le jeu des Canadiens, par c'est exemple. C'est pas mal. Mais tu sais, on est plus suite dans le différentiel des buts pour et des buts contre. Ouais. Là. Ouais, c'est sûr. Ben, on n'est pas dans les moins. On n'alloue pas beaucoup. Ouais, merci, Price. Mais on en donne. On en fait pas beaucoup non plus. Puis on est quand même constant parce que les stats, si je regarde pour les matchs à domicile puis les matchs à l'étranger, à domicile, 14 victoires, 8 défaites, 3 défaites en prolongation. Puis à l'étranger, 13 victoires, 8-2. C'est 13-8-2, ouais. C'est sensiblement la même chose. C'est la même chose. On n'a pas de préférence entre l'étranger ou la maison. C'est la stand là, qui est moins bon de ce temps-ci. Là, mm-hmm. Les dernières... Mais là, c'est pas le 5-3-2, là. Ben, Montréal, c'est positif. C'est une équipe irrégulière, là. Ils vont, on joue pour 500! Ils vont souvent commencer quand même bien leur match, puis après ça, ben à partir de la deuxième, souvent, là, ils lèvent le pied, puis en troisième, là, dans les cinq dernières minutes, ils vont reprendre, tu sais, là, puis ça, ils abandonnent tout en troisième, ils droppent tout, puis à la fin de la période, là, ils essayent de se battre, c'est pour leur vie, là, tu sais, là, puis c'est classique, là. Avant de faire, dans le fond, les ouais. Match par match, on fait-tu nos plus et nos moins des deux dernières semaines, dans le fond à qui donneriez-vous votre plus, votre moins? On le fait plus qu'une fois par mois, ça. Ben là, pas prêt à ça. Ben ouais, mais là, dans les dernières semaines, dans les deux dernières semaines, dans le fond. Dans les deux dernières semaines. Bon. Ben regardez-moi, je vais commencer au pire. Moi, mon plus, je vais donner à Price parce que il est tout simplement incroyable. Puis je pense que c'est à lui qu'on doit beaucoup de victoires. Là. Ouais. C'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est ça. Price ou Alak, les best. Gars, Price ou Alak. C'est des farces, on ment. Non, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Mais non, il joue incroyablement. C'est un no-brainer, là. Puis je vais donner mon moins à René Bourque, là. Ben ouais, c'est une évidence même, mais j'ai ben pas le choix. Je vais même pas faire de plus moins, je vais dire idem. Idem, identique. Ben, moi, je donne mon moins, pas un joueur, à un joueur en particulier, à l'ensemble de la défensive des Canadiens, là, qui est comme terrible, là, qui est comme urk. C'est dégueulasse. C'est pas cool. Il est comme des hosties de poules pas de tête. Ouais, puis... Ah, puis j'aurais un autre moins. Ok, c'est un moins, mais le power play aussi là, qui marche comme pu. Ouais, effectivement. Là, c'est télégraphié. Là. Il se passe plus rien de bon. Là. Puis, ils ont réussi contre les Sénateurs. Ça faisait je sais pas combien. Je pense que ça faisait depuis le 2 janvier qu'il n'a pas scoré en power play. Ah ouais, ils sont en léthargie. Puis, mais voilà. Puis la Bart, c'est le mot. Une léthargie. Ouais. Une léthargie, là, tu appelles. La léthargie. La léthargie. Ah, c'est ça. Bon, ben allons-y d'abord sur le résumé des matchs. Fait que c'est ça, je m'en allais dire. Donc, le samedi. Hey, avant de commencer, Dave, le résumé des matchs, parlons de la section stats du site du Canadien de Montréal. Ah, c'est bon. Ouais. C'est-tu mal fait, ça, cette crise de section? Pour avoir le résumé des matchs, là, c'est comme. C'est juste bizarrement dit. C'est comme juste c'est comme un tableau avec de stats. Lignes, puis t'as pas l'équipe. Ouais, mais c'est mal fait là. Ça, c'est genre des tableaux faits avec les couleurs des Canadiens là. Puis t'as tout ça. Ouais, c'est, mais là, il est visuellement là, désagréable à regarder. Là. Ouais, ils sont tous dans le même. Ils ont tous la même. Ben ils ont oui, c'est un pattern NHL. C'est ça. Fait que. À déconseiller pour les stats. Il pourrait probablement le customiser un peu là. Il pourrait mettre au moins le nom de l'équipe contre qui joue en gros pas trois lettres en plein milieu du tableau que tu sais pas. Ouais, c'est ça. C'est comme t'as juste la date, t'as pas le nom. Si on a des stats, c'est très mauvais. Mais justement, Canadien, vous pourriez améliorer ça. Samedi, 4 janvier 2014, sénateur canadien, on était en podcast. Le Canadien a perdu en prolongation ce match-là 4-3. Ça a fait mal, ce game-là. Contre les Sénateurs, tu dis, le 4 ouais, janvier? Les Sénateurs. Ben, on va s'attarder match par match, je pense, vu qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans les deux dernières semaines. Ah, OK, ouais. Qu'est-ce que c'est? Il y a Subban qui a reçu une pénalité pour Hawking en fin de match contre les Sénateurs, qui a mené au but des Sens en prolongation. Puis, ouais. C'est vrai. Passe le commentaire qui ne méritait pas de pénalité sur le jeu. Oh, je pense qu'il fallait pas que je lise cette section-là sur ma feuille. Mais ça a l'air qu'il méritait pas de pénalité sur le jeu. Je sais pas, je pense que ça a l'air d'une note semi-mal prise là. Oh. Mais c'est ton impression qui est pas bien bonne, je pense. C'est pas probablement ça, là, mais en tout cas. Subban a eu un entretien avec Campbell et Murphy. Aucune amende, mais il y a eu un avertissement là-dessus. Ouais, un bon avertissement pour garde là. Fais plus des petits commentaires demain parce que le prochain coup tu vas en avoir une sanction. Fait que dans le fond, il s'est plaint d'avoir une pénalité non. Ouais, c'est ça. Il a dit qu'il méritait pas la pénalité, puis il a carrément il a tenu son point que non, c'était pas une pénalité, puis en plus tu le voyais dans 24 CH que sa réaction c'était comme come on, là, tu sais, comment ça, j'ai une petite pénalité là-dessus, c'est n'importe quoi. Tu sais, on dirait qu'il en remettait, là, tu sais. Ouais, ben là, c'est surtout qu'ils sont habitués à l'entendre, puis c'est comme calme-toi. Ben, grand, c'est ça. Exact, ils ont fermé le clapet, le joueur. Ça, c'est comme un coach d'une game qui arrête pas tout le temps de gueuler ses refs ou qui arrête pas de donner un char de marde à un moment donné, là, les refs, ils retiennent son numéro. Sam Hart, c'est un coup de règle sur ses petits doigts. Ah ouais, puis à un moment donné, c'est une pénalité de banc. Mais, mais t'en as des joueurs qui sont très chialés aussi aux arbitres, là. Je pense juste à Crosby, là. Des joueurs, des coachs. Crosby, c'en est un grand joueur pour ça, là. Tout le temps chialé après le ref, là. Ouais, mais lui, il se fait pas vraiment avertir parce que... Parce que c'est Crosby? Ben, parce que c'est Crosby, puis c'est le capitaine de l'équipe. Quand t'es capitaine, tu peux t'en permettre, puis il a probablement pas fait de commentaires dans ce genre-là. Ah, non, lui, il est juste comme bébé broyard, là. Crosby, ouais, mais je pense qu'il veut tout le temps comme caller, gars, check. Ben, je pense qu'il est check, capitaine. Check, ouvre-toi les yeux, check les affaires, tout ça, puis il va, c'est sûr, là, il passe pas un broyard. Je trouve pas nécessairement broyard, je trouve que c'est un capitaine. Ben, c'est juste qu'il y en a qui sont plus impliqués que d'autres. Il y a bien du monde qui haïsse Crosby, puis je veux dire. Tu peux pas vraiment. Je peux pas haïr Crosby. Non, mais Wayne Gretzky était pareil. Ben oui, mais c'est ça. Là, c'est Wayne Gretzky faisait la même affaire avec les refs, il lâchait pas. Là. Prochaine game. La prochaine game, c'est contre les Panthers le 6 janvier. Le Canadien l'a gagné finalement contre les Panthers 2-1. Ouais, mais. Bizarre contre les Panthers cette année. Là. C'est notre bête noire. Puis c'est un tellement mauvais club en plus. Ouais, c'est pourri. Puis malgré qu'on a eu 2 points, il y a eu un point négatif à cette game-là. On a perdu Alex Galchenyuk pour 6 semaines. C'est pété à la main. Ah, c'est dans ce game-là que ouais, c'est pété. C'est blessé la main. La blessure mystérieuse un peu. Là, que... Tout le monde disait qu'il avait frappé quand on dans les murs là, parce qu'il n'avait pas assez de temps. Non. Ben voyons donc. Là. Ouais, c'est le genre de rumeur, mais... FireGalchenyuk.com. Ouais, c'est ça. Regardez, c'est moi ça d'ailleurs. Notre seul bijou. Je vais traîner notre seul ça, joyau. Là, ça a chié, là. Bon... Bon. Ben, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette game-là. Ben, c'est des games plates. C'est des games plates, là, sérieusement. Contre Floride, contre les Hurricanes. Y'a-tu un autre but refusé en plus dans ce game-là? Ben oui. Ouais, hein? Oui, y en a eu un. Je pense que toutes les games contre les Panthers à date, on a eu. Ben, l'autre game d'avant, il y a eu 2 buts refusés. Puis là, celle-là, il y en a eu un, me semble. C'est débile. Je pense que le Canadien doit être proche de 10 buts refusés cette année. C'est, ouais, on en a vraiment beaucoup. C'est là, tout à Gallagher qui était impliqué puis souvent. On va en reparler probablement parce qu'il y en a eu un dans le match. C'était contre les Devils. Oui, il y en a eu un. Ouais, c'est Gallagher. Il aurait dû être bon, lui. Ouais, il aurait dû être bon. Ouais. Ouais, okay. Et nous, on va y revenir. Mercredi 8 janvier 2014, Canadien Flyers. Canadien a perdu 3-1. As-tu quelque chose là-dessus? Ouais, j'ai quelque chose là-dessus aussi. Subban, qui a été le seul joueur puni en fin de deuxième, alors qu'il y avait une mêlée. Puis il s'est fait bencher en troisième. C'est le match que Terrien a benché. Ouais, parce qu'il a donné une shot sa gueule au gars, là, par exemple. Ouais, puis il a benché en troisième. Il l'a benché jusqu'à... Ben, il y avait 2 minutes de pénalité, fait qu'il a à peu près benché un 10 minutes. Ouais. Fait qu'il a pas joué de la première moitié de la période au complet. On a perdu aussi. Puis on a perdu, puis... C'est semble... On n'avait pas parlé de ça. Non, c'était pas arrivé de ça. Ouais. Là, moi, sérieusement, c'est un des gros sujets. Elle m'a fait chier, celle-là. Elle m'a fait chier, moi. De Terrien? Je trouve que ça, ça pour moi. Puis, tu sais, je veux pas chialer sur Terrien parce que, tu sais, on l'a dit tantôt, là, on peut bien dire ce qu'on voudra sur Terrien. Les stats du Canadien présentement démontrent qu'il fait quand même. On peut une bonne chialer job. Sur Terrien pareil. Là, ouais, mais, voit, là, mais moi, ça, c'est un détail qui me fait chier. En bout de ligne, ça marche, là, mais c'est peut-être pas à bonne en façon. En troisième période, puis, tu sais, son excuse, ça a été ouais, mais l'équipe voulait pas gagner. Hey, tabarnak. Toi, là, tu fais ta petite crisette, puis ta petite. Il dit que c'est un concept d'équipe, puis il va comme se gâter lui-même. Lui, il passe peut-être un peu aussi au-dessus de l'équipe en réglant un cas personnel avec lui. T'sais. Ben, c'est ça. C'est comme s'il fait son show. Là. Ouais. C'est de Michel Therrien show. Puis ça, c'est ça que j'ai pas apprécié. Si ça. Il a coaché genre ça à la... Ça a donné quoi comme résultat en bout de ligne? Il a coaché ça, à la Tortorella un peu là, là-dessus. Là. Tu sais, là, il a fait un Terrien, c'est comme un mix entre, mettons, un Tortorella puis un gars carrément à l'opposé, là, genre, mettons, je sais pas, moi, on va dire Vigneault, justement. Là, tu sais. Ouais. Un gars dans ce genre-là. Tu sais. Réel Vigneault? Oui. Allez, le power play! J'ai pas de rigonon sur mon soundboard, je suis désolé. Ah, bouh! Fait que c'est ça. Fait que juste ça. J'ai trouvé que c'était mauvais. De toute façon, j'imagine. Il a pas enlevé son. Il a pas enlevé. Non, mais on va en parler. Ok, parfait. Il a pas enlevé le goaler en fin de période. Okay. Il y avait rien dans mais le game. Mais en même temps, c'est. Il n'y a rien de ses joueurs non plus. Fait que il a pas fait l'effort lui-même. T'sais? Ouais, puis c'est ça. Mais je veux dire, t'as rien en même temps. Il a fait ce move-là. Nous autres, après coup, c'est sûr, c'est facile. Lui, sur le moment, il a pensé que faire ce move-là, peut-être, c'était. Souben, c'est peut-être mal, c'est mal géré un peu son équipe faire ça. C'est sûr, c'était pas raisonnable, mais sur le coup, sa frustration, lui, il coach. Lui, il est comme tout le temps avec eux autres. Lui, tu sais, je veux dire, les idées, lui, il pense que c'est ma façon. Règle tes problèmes dans le vestiaire puis explique-lui ta façon de voir les choses. Ouais. Non, mais c'est ça. Je pense qu'il était tellement fais pas ton show devant le monde, dans les estrades, puis le mettre au bout du... Hey, man, je pense que si je me souviens bien, là, il l'a... il le met dans le milieu, là. Il l'a mis dans le milieu du banc, les defs puis les attaquants. C'est ça qu'il a fait. Puis, chose... voyons, Chris... Paros. Non, non, le commentateur à RDS en français, là, le goaler. Ouais, Bardoni, ouais. Je sais pas pourquoi son nom venait pas. Marc Denis, il a dit genre, ah, il fait genre le bâton de séparation. Ouais. Entre hey man, j'étais crampé, là. C'était vraiment ça, c'était. Le bâton de séparation à l'épicerie entre deux commandes. Ouais, c'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. En plus, que t'as rien dit, lui, tout le temps. Il dit tout le temps que c'est dans le but d'apprendre à Subban pour lui faire devenir un meilleur joueur. Puis il a mais. En même temps, il y a plein d'articles qui sortent ouais, de ça. Avez-vous vu les articles de ça par rapport au Fenwick et au Corsi et tout le kit? C'est le Abs on the Price qui ont fait cet article-là qui disait que rien rendait Subban un moins bon joueur. Puis je voulais qu'on en parle de ça. Depuis que Subban est... Ouais, on devrait peut-être en revenir tantôt parce que là, on faudrait finir les matchs. Fin, ouais. Mais depuis que Subban est avec Terrien, ses stats sont moins bons. Bon, c'est une théorie, ça. Puis des stats... des stats, ça reste des stats. Là. Je veux dire, oui, c'est vrai. Les stats parlent, tout ça. Mais je veux dire, en même temps, est-ce que, moi, c'est ça, je soulevais un moment donné, on en jasait un moment donné, là, un peu par chat, là, tout ça. Est-ce qu'un Mike Babcock, puis rendrait l'équipe Bruce meilleure, Boudreau. Mettrait l'équipe. Ouais, tu sais, je veux dire, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme, est-ce qu'il rendrait l'équipe si meilleure que ça? Est-ce qu'il mettrait le Canadien, genre, en première position de l'Est? Non. C'est quoi le problème, t'sais, à pas Montréal? Nécessairement. T'sais, il me semble qu'il change les coachs, change la direction. L'affaire que moi, je pense, par exemple, c'est que Terrien est en train, peut-être, de s'en mettre une coupe à dos. Ouais. Là, je pense de plus en plus qu'il est en train de perdre un petit peu son vestiaire. Moi aussi, j'ai ce feeling. Ben, je pense pas qu'il perd. En tout cas, j'espère pas qu'il va le faire. Tu vois qu'il y en a qui sont quoi qui se passe avec? Ouais, ouais. Tu sais, gros mystère, point d'interrogation. Il joue-tu sur une blessure? Il joue-tu? MLN, qu'est-ce qui se passe avec? Heller, parce qu'il reste en affaire, c'est que, tu sais, encore là, on chiale sur Terrien un peu, là, mais, tu sais, il reste que bencher un joueur parce qu'il performe pas ou il a enlevé son temps de glace. C'est vouloir le casser. C'est vouloir démontrer que tu vas marcher au rendement. Puis ça peut mettre une pression supplémentaire sur des joueurs. Puis ça peut faire que, vu que ça leur met une pression, ça les frustre. Ouais, ces mais là ouais, ben, parce okay, qu'ils sont frustrés. Fait que Briard t'explique ça de même. Non, le mais fait qu'il n'y ait pas de temps de glace. Puis ouais, mais, ouais, mais pas marcher au rendement. Là, t'as corrigé là, parce que, tu sais, je veux dire. Briard, ça marche juste pour toi. Subban, c'est le meilleur de ton équipe. C'est ton premier pointeur dans l'équipe. Fait tu peux pas, comme le Penet, je veux dire, comme au rendement. Je pense qu'il essaie de casser son genre de petit. On dirait que t'as rien, il le voit encore comme une rookie. Ouais, qui sait pas ce qui s'en va, puis tu sais, comme, tu sais, là, calme toi, boy. C'est ton trophée Norris l'année passée. Ouais, c'est ça, c'est exact. C'est ça que moi je trouve pas correct. Je pense c'était pas fair. Je me rappelle parce que l'année. C'est quand. Je pense que c'était au début de la deuxième. De cette année ou au début de la fin de l'année passée, quand on était dans les podcasts, on disait justement que fallait qu'il se fasse casser, puis ton frère était là, JF. Puis on parlait de ça, puis il était pas d'accord. Puis lui, il disait fallait le laisser aller. Mais tu sais, en même temps, c'était-tu vrai ou ben, peut-être que... Parce que moi, parce qu'il y a une différence entre encadrer un joueur puis le casser. Ouais, pense. Mais... Ben, non, ça fait, mais ben, casser, non, mais de le casser, je pense c'est une bonne affaire. Mais moi, ce que je veux dire, c'est... Il y a combien de joueurs, là, honnêtement, dans la ligue que... Bon, ça peut aller bien une couple d'années, puis après ça, ils ont une petite baisse de régime. Puis après ça, c'est juste une question de prendre l'expérience pour prendre du galon, tu sais, je veux dire. Ouais, mais... Il y a plein de joueurs qui ralentissent, puis les meilleurs, ils ralentissent tout, esti, à un moment donné. Tu avoir une saison de marde, t'es jamais à l'abri d'avoir une mauvaise saison. Puis on parle de ça, puis Subban est notre meilleur pointeur. Ouais, tu peux pas te permettre de faire ça à Subban, je pense. Mais c'est parce que, sais-tu quoi, Terrien, il a amené sa philosophie, il l'a déjà cassé une fois, puis c'était l'année passée. Parce que Subban, on savait pas ce qui allait arriver avec, parce qu'on savait que c'était une tête folle. Ouais. Il était jeune, c'était une tête folle, puis tu sais, on le voyait partir de tous les bords, tous côtés, puis on se disait, ça a pas de style de bon sens, tu sais. Puis avec le concept d'équipe, il a arrêté genre le 0005. Il a dit, il n'y a plus d'affaires de même, tu sais, on fait plus les high five, là, c'est célébration, genre, tout le monde ensemble. Il a réussi à casser ça, puis Subban a embarqué. Il n'a pas boudé, il a embarqué. Puis quand il est arrivé, il a signé son contrat, puis il a dit, ben moi, j'embarque dans l'équipe, puis je participe à l'équipe. Il a tout embarqué dans la philosophie que Terrien a implanté. Ben, il n'a pas fait Bergevin, sa grosse tête, il a pas fait son show. Non, il n'a pas fait son show, puis là, j'ai fait, OK. déjà on a vu un changement, puis je trouvais qu'il se comportait en leader en faisant ça. Puis il a bien opéré, il a pas, tu sais, puis là des fois il y a des petits écarts de conduite, je pense pas que ça vaut la punition qu'il a non eu. Vraiment pas, ouais. Tu sais, ça se justifie pas comme ça, je pense. Mais gars, je veux dire, Terrien, il mène sa barque. Terrien, c'est un humain. Il y a des joueurs qui font des mauvaises passes, qui font une passe de travers puis qui se fait couper une passe. Ben, Terrien s'est fait couper une passe. On ne le claire pas pour autant, mais on dirait qu'on y met tout sur le dos tout de suite. Les insuccès, c'est pas... Non, mais on y met pas sur le dos. En général, je dis la femme. Parce que tu veux pas, quand tu parles... Quand tu parles de hockey, c'est sûr que tu peux dire oui, le Canadien va bien, mais une fois que tu as dit que le Canadien va bien, ben tu check. Tu reviens tout le temps à checker les astis de défauts puis les astis d'erreurs. Pis... Et le but! T'es fort, Dave. Tu jases puis tu checkes la gueule en même temps, bravo. Dave, il est là, là. Quand... Ouais, mais t'sais, fait que là, pour les poleurs, ben Gallagher vient de scorer. Fait que c'est ça, mais tu checkes, mettons, tu checkes les points positifs, oui, mais à un moment donné, tu passes pas autant de temps à checker les points positifs. Tu viens tout le temps qu'en en venir. Hein? Ouais, mais tu sais, t'as l'affaire. Ouais, mais tu sais, t'as l'affaire. Puis c'est normal qu'on en parle, mais ça fait pas pour autant que Michel Therrien, il fait pas une bonne job. Là. Non, c'est ça. C'est juste ben... que oui, il y a des affaires, mais on aurait une game, genre, ça accroche comme, je sais pas, moi, mettons Saint-Louis ou les Blackhawks. Puis on trouverait quand même des points négatifs. Ben sérieusement, à parler, là ouais, puis c'est ça. Puis je trouve qu'avec Subban, il s'est fourré. OK, ben, il a fait une erreur. Il faut bien parler de l'affaire négative. Non, mais il a fait une erreur. Mais je veux dire, first, j'aimerais juste qu'on célèbre un cheers parce qu'on a quand même compté un but contre. Ouais, yes. Pour ceux qui l'écoutent en différé, c'est tellement plate pour vous autres. Ben le monde en différé, les autres savent déjà le résultat de la game. Non, mais c'est ça. Imagine s'ils l'ont enregistré puis qu'ils l'ont pas écouté encore. Puis qu'elle est tombée sur notre podcast. Capote. Tu sais, le gars, il dit, ah, moi, ma game préférée, c'est contre les Maple Leafs. J'ai ça enregistré tout, puis je les écoute en différé parce que je travaille le samedi soir, tu sais. Puis là, finalement, ils nous écoutent en podcast, puis là, on lui donne toutes les punches. Puis après. Ben, c'est un gars-là, Dave. Après, il va se coucher. Non, après tu dis qu'est-ce qu'il fait. Après, tu dis qu'est-ce qu'il fait. Ben, il nous unlike sur Facebook. Ouais, c'est ça. C'est un gars-là qui mange la merde. Puis qui est chier. Qui est chier, puis qui mange la merde. Je suis sûr que ce gars-là nous écoute. Ouais, c'est le bonhomme pour vous. Prochaine game, Dave, sur les stats. Ouais, ok. Parce que là, on parle Georges, c'est la période à faire. Samedi 11 janvier, Blackhawks canadien. Wow, quel match. Ça, match c'était bon. En prolongation. Esti 2-1 canadien, tabarnak. C'était fou ce game-là. C'était fou. On a vu des saves, des esti saves de fou de Crawford. Ah, le save de Crawford qui a kické à puck. C'était peut-être pas, mettons, la game au top au niveau des Blackhawks, mais il faut donner aux Canadiens ce qu'ils ont fait. Ils ont joué une crise de bonne game. Puis même si les Blackhawks n'étaient pas à leur top, mettons, ils sont quand même l'équipe dans la ligue quasiment. Là, année après année. Non, mais veut pas, on a vu quand même l'exécution des Blackhawks, comment le puck roule avec eux autres à Def. Ah, c'est malade, c'est beau à voir. Là, on va en parler en troisième période de la ligue en général. C'est comme une de mes équipes préférées, puis ça a l'air d'être un peu ça pour tout et tout. Puis en plus de ça, je vais juste rappeler une affaire, Subban aussi, qui a tellement mangé Allen sur le dos de Taze tout le long. C'était bon. La compétition était vraiment comme Taze, le jersey duquel tu porte ce soir. Oui, que la blonde m'a acheté pour ma fête l'année passée. Très heureux. Il reste deux matchs à parler, Dave, alors que la période se termine bientôt. On va y aller. Là. On va finir ça. Là. Mardi 14 janvier, marque finale contre les Devils, perdu 4-1. Ben, c'est là qu'il y a eu un but refusé de Gallagher. Et là, il y a eu le but refusé de Gallagher. Ouais. Et là, on peut-tu le mettre? Ok, attends un peu. Goal en image. Ben, ça donne pas grand-chose, Mark. Okay. Mais... moi, je pense qu'on devrait... Il reste combien de temps à la période? Ben, je te dis ça dans à peu près 3-4 secondes. Là. Tu il reste 3-4 secondes. Une petite sonnette là, genre. Ah, si, OK, ouais, c'est ça. Mais c'est parce que, check, ben, l'autre game après... voilà. On va déborder, man. Il y a des débordements, là. Il va y avoir un coup de poing sur la gueule, je pense. Ouais, là, okay? Il y a quand même 6 4 bouches en fin de période. Non, mais c'est parce qu'il y a deux games. T'as la game après ça, Canadien-Sénateur, que le Canadien a gagné, celle de jeudi, le 16... En prolongation. Mike Anderson qui a fini avec un bâton dans les jambes. Okay. Mais là, moi, je veux revenir. On a gagné 5-4 en prolongation contre Ottawa. Ouais. Okay. Mais je veux revenir sur la finale. La game, je veux dire, contre les Devils, man. Game du 14 janvier. Le but de Gallagher en deuxième, je pense, là, qui aurait pu changer complètement l'allure du match. Là. Ouais. Le but refusé en pivot, ça, c'est du kicking motion, ça. souvenez-vous le but qu'on s'était fait accorder, je pense que c'était pas en playoff l'année passée contre Ottawa, que le gars fait break tellement un clair mouvement là, de kicking motion. Puis il y avait de l'amour là, dans le kick. Le Canadien, il passe. Je pense que le Canadien, à chaque fois cette année, qu'ils sont allés en replay, ou presque à chaque fois, refusé. Là. Ah, mais, en tout cas, je veux pas tomber dans les théories du complot. Ça là, fait je dis pas que c'est un complot, mais ça fait chier en tabarnak. Tu dis que c'est un complot. Hey, Mark! C'est arrangé que le gars des vues. Est-ce qu'ils veulent pas que le Canadien gagne la 25e? C'est le show à Télé-Québec qui gère ça, le hockey. Est-ce qu'ils veulent pas que je chaîne ma chaise c'est pour la parade à la rue Sainte-Catherine? Colin. Moi, j'entends juste qu'ils défoncent une vitre du HMV. Ah ouais, c'est ça. Aller me chercher le CD. Ok, on vous donne notre plan, tout le monde. Si jamais on gagne la coupe, on s'envoie avec un sac de hockey au HMV. On se pogne un paquet de Blu-ray. Surveillez-nous surtout pas. Checkez-nous pas, là. On cassera pas de char. On va juste prendre des Blu-ray. Mais moi, je la briserai. Moi, je la briserai. Moi, j'attends le premier cave qui appète, puis je reste proche. Puis si ça donne que je passe à côté, on appelle ça des dommages collatéraux. Ouais, voilà. Moi, j'étais un gars très. Tout a été dit. J'étais un gars très collatéral. Je sais pas ce que ça veut dire. La dernière game après ça, Steve. Let's go clear ça. Ça, revenons là-dessus, la game que. Price a goalé la game de sa vie. Pas la game. Oui, la game que Price a goalé la game. Mais la game, est-ce que tabarnak, l'équipe au complet, ils ont abandonné Price. Et voilà, les feuilles revolent. Mais c'est touch. Ouais, là, cette game-là, disgrâce totale de l'équipe. C'était n'importe quoi, ça. Ouais, mais les saves de Price valaient la peine, mais c'était dégueulasse. Hey, au bout de la 2, là, est-ce que c'est quoi? Fallait Price a pété. Price a comme soigné son stick. Il a pété son bâton entre la 1 et la 2. En rentrant dans le vestiaire, ouais. Il a soigné. Mais le gars, il comprend complètement entre la 2 et la 3. En tout cas, il a pété son bâton. Entre la 2 et la 3, ouais. Non, entre la. Ils se sont fait. Hey, il a pété son bâton. En tout cas, il en a pété un calice. Le Canadien, en plus, qui était parti assez fort. Là. Ben, 3 buts. 3 buts en 5 3 buts en 5 tirs. Mais dans les dernières minutes, se sont fait shifter 2 buts. Puis, tu sais, OK, c'est parce que ce qui fait chier en plus, là, c'est que de cette game-là, c'est 3 buts en 5 tirs. Tu pourrais dire, mettons, ah, le Canadien, genre, a été chanceux, c'était des buts, genre. Non, c'était des hosties de goal, buts, là. Le but de Dernet, tout seul dans l'enclave, qui a fait l'hostie de feinte. Le but de Plekanec en échappé. Puis Pacioretty. Puis le but de Pacioretty, man, sur un hostie, sur réception, mais intense, là. Mais c'était malade. Le gros but qui était fou, par exemple, d'Ottawa, c'est le but de Bobby Ryan, là. Son top corner, mon gars, le ping dans. Oh, wow, man. C'est con à dire. Il y a un but, Price a été faible, tu sais, mais. Ben, y a-tu le droit? Mais sauf que. En même temps. Tout ce qu'il a sauvé dans ce game-là. Sur 40 quelques tirs, à un moment donné, tabarnak. C'est sûr que tu peux manquer. À la fin de la 2, là, il a tout fait. C'est pas compliqué. Il a tout fait. Il a gagné ce game-là. Ah ouais. Ouais. Puis Price, c'était cool parce que c'est Subban en plus. Avec le bâton de les gens. Il a gardé son équipe, man, dans la game. Ben, Subban, c'est ça. Il peut te coûter cher des fois en fin de match, mais il peut aller te chercher à la game. C'est le gars, c'est un game breaker. C'est le gars qui va aller te chercher une game. Ouais. Puis à l'attaque, on n'a pas vraiment de game breaker. Non, vraiment pas. On n'a pas le gars qui est capable de t'envirer une game sur un 10 cent, là. Et peut-être Galchenyuk. Mais Galchenyuk, collissait le don sur le first asti, man. Ouais. C'est ça que j'en reproche à Terrien. Mais les dons sur le first, ils vont t'en scorer une trentaine de buts par année. Ouais, certain. Ah, c'est un peut-être qu'ils veulent casser. À rigueur, là, c'est plat, ça allait bien en début de saison. Pourquoi t'as pété le trio Asti de Gallagher, Galchenyuk? Parce que tu voulais relancer. Tu voulais relancer. Je comprends. Darnay, puis Pacioretty, mais c'est tout un Asti de gang de Jackstrap. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, ça? Ouais, tu regarderas Pacioretty, Darnay, Gallagher. Oui, OK, ça marche d'Arne Gallagher, mais le duo marche. Le duo. Gallagher, depuis qu'il est avec eux autres, c'est Pacioretty et Darnay. Depuis Gallagher est là, ils marchent ces deux-là parce qu'il leur crée de l'espace. Mais lui, produit moins. Beaucoup moins, man. Ouais, mais moi, mais Gallagher, il produit à peu près sur tous les trios. Je veux dire, il est intéressant partout ce qu'il va être parce que c'est le seul qui charge le net. Il produit parce qu'il aide à faire compter l'équipe sans nécessairement participer. Directement, genre en ayant une passe ou le but. Ouais. Mais il y a, tu checkes ses stats, il y a beaucoup moins de points. C'est celle qui crash la note. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas compliqué. Mais tout le monde a droppé. Il crée de l'espace. Puis tabarnak, quand tu checkes Pacioretty et Dernès à la glace, là, tu vois qu'ils se cherchent, ces gars-là. Ils cherchent pas à trouver Gallagher. La plupart du temps, Pacioretty va chercher Dernais, puis Dernais va la, chercher la passe de Dernais sur le but de Pacioretty. C'est là, un chemin, là, ben c'est Chris, la, la shot était folle. Là, goal, le, là. Ouais, le one-timer dans ce slot. Là, ah ouais. Deux derniers points sur oui. la game là, justement contre les Sénateurs. Après le but de Souben. Hey, c'est toute une escarmouche de fin de période. Ouais, non, mais là, ça brasse. Ouais, on est... Ok, on fait ça quick. Il y a des joueurs qui ont embarqué sa glace pour venir s'en mêler un peu. Là. Ils ont des pénalités là-dedans. Là. Pénalité, mais c'est pas grave, on débat pareil. C'est notre show, on fait ce qu'on veut. Moi, je veux tout de la colle. Si vous êtes pas content, ben. Il y a du monde qui ont chialé contre la célébration de Souben après la game contre les Sénateurs. Ouais. Il s'est juste pris le jersey puis il a embrassé son logo du Canadien ou il a pointé le logo de CH son jersey. Moi je vous le dis les boys, Galchenyuk a pas déjà fait ça. Il a embrassé son logo Galchenyuk. Moi je vous le dis les boys là, bientôt d'après moi Terrien va empêcher de faire ça. Il va leur dire, vous avez pas le droit de faire ça. Hey non mais hey, là. Pas de low five, pas de bécage de jersey, pas de. Qui a chialé là-dessus? Plein de monde là, à Ottawa puis toi, tout le monde. Non mais. Ils peuvent-tu célébrer, calice? Ben oui, au soccer, ils se mettent le jersey sur la tête. Au football, ils font des backflips, ben, let's go, là, puis des chorégraphies de danse en ligne. Ben, ça prend un gars comme Souben pour... moi, je pense que... Ouais, ça, c'est du racisme, là, tout ça, là. Les commentaires ouais, de gens ouais, racistes. Ouais, raciste. Non, pas toi, là. Le monde qui ont chialé contre Souben. Ça prend un gars comme Souben. Ça, c'est du racisme. Ouais, maudit raciste. C'est sûrement le monde qui sont allés chialer sur la charte, là. Le monde qui ont dit, là, nous, on est allés faire un voyage en musulmanie, là. Pis, ouais, c'est ça. Ouais, c'est musulmanie. Ça. Non, là, puis là, qui dit, puis là, j'ai comme vu un noir, puis embrassé le logo du CH. Je me suis dit, hey, là, je suis très inconfortable. Ah, ben, là, moi, c'est du racisme, là. C'est vraiment le temps d'aller à l'entrée avec les boys, ouais. Là. Ou de parler de racisme parce que s'il y a un seul racisme que je peux tolérer, c'est celui contre Don Cherry pis ses jackets colorés. On va finir l'image sur John Cherry. Faut vraiment. Ah, ok, mais les. Mais ouais, mais. Les becs sur le jersey. On s'en calisse. On fait que Dosé, moi, ce que j'ai à dire pis que Souben, tu gardes donc ça pour tes copines. Aïe, moi, j'aime tellement mon équipe, j'embrasse mon jersey. Faudrait bien bannir ça. Les derniers points de ce game-là, il y a une bataille dans la foule entre les fans des Canadiens pis fans d'Ottawa. Ben bon! Un gars de Gatineau, genre, un gars de Hall. Là, ça se pognait comme. Ça se pognait au jersey c'est... comme s'il était sur la glace. C'est honte en crise, par exemple, à Ottawa, qu'il y ait autant de fans du Canadien. Je pensais pas que les fans d'Ottawa avaient des émotions non plus. Ouais, as-tu la photo que j'ai mis, le gars, ouais. Vois, il y a beaucoup de dents en avant, genre, des belles palettes, là. Vous irez voir ça sur notre beau site Facebook. Quel joueur, déjà? Je sais pas. Méthode! Méthode avec sa pote, Méthode. Pendant l'entracte, vous irez sur Wikipédia voir la photo de Marc Méthode. Quelle photo de Jeanne Premier. Il y a une gueule comme... Il y a une gueule de même là. Ah non, mais ça c'était hot et tout dans la game. Je pense que genre Méthode faisait du dry humping à un moment donné sur Ouais. Il était couché c'est dessus. Justement, on se parlait de ça. On était sur le chat, on se parlait pendant la game. Puis comment de la pénalité là, on il a sorti la photo de Wikipédia. On va mettre la photo de Marc Méthode. On peut te mettre ça sur le site. Vous irez voir et tout sur le site du Canadien dans la section médias là, dans les photos. Là. Ouais. Tu peux voir les photos de chaque game, puis il y en a une photo que Méthode est couché sur Dernais. Man, tu vois même pas Dernais tellement il est effoiré. Hey, Méthode, t'es pas petit. Puis il regarde comme. Il regarde, puis il y a comme un demi-smile avec sa patte dedans, genre. Genre, demi-smile semi-satisfait. Un smile comme. Il a l'air d'un redneck. Il a l'air bien intelligent. Il a l'air d'un sudiste. Ben, c'était un ontarien. Hey, salut les ontariens. On salue tous les franco-ontariens qui nous écoutent. Salut les cons. Voilà les cons. Bon, tout a été dit. Fait que sur ça, la rondelle. On va aller faire le deuxième entracte puis on vous revient après pour la deuxième période. Aïe, aïe, ciao. On est retour pour la deuxième période. J'ouvre ma bière là-dessus. Puis avant de starter... t'as comme serré des dents, man. Dans les bouchons, t'as fait... Elle était rough. Elle était bien tight. Il y avait bien de la pression là-dessus. Puis avant de recommencer la deuxième, deux questions du public. Comme ça, là, à l'avant, comme je te pousse, là. Oui. Question de Yann of the Whale sur Twitter qui veut fuck savoir... Fuck off, je réponds pas. Je sais pas comment on prononce son nom, là. Jonas Natinen? Jonas. Bon, ben, Yann of the Whale veut savoir... Ce joueur de centre défensif, grand et sec... Peut-il bien faire avec le CH? Non. Bah, non. C'était une patch, hein. Un grand sec. C'est parce que... c'est ça que je voulais en venir, justement, par rapport à ça. Je sais pas avec quoi tu voulais commencer la période, mais on a beaucoup chialé. T'as l'air enthousiaste. On veut juste savoir ce gars-là, parce qu'il y a une autre question aussi du public. Là. Non, mais ça, joue, c'est un gars, il joue patch, à cause qu'il manque du monde. C'est ça pour ça. Ouais, c'est ça. C'est justement, c'est ça que je voulais dire. Il manque du monde. Bon, c'est ouais. un bon point, ça. Mais je vais revenir wow. après, vas-y avec ton autre. Hey, t'as lu le journal à non, mais non, pour répondre à sa question à lui, dans le fond, non, il pourra pas vraiment bien faire avec le Canadien, c'est vraiment une patch, mais non, ouais, on le verra pas. Je pense pas que c'est un prospect considérable. Je pense pas. Je sais pas c'est quoi ses stats, je serais juste curieux, là, mettons qu'on fouille plus tard là, pour trouver Natinan, c'est quoi, c'est comme. Mais... Veux-tu vraiment qu'on perde notre temps? Non, vraiment pas. Okay. Puis la deuxième question qui vient de Martin Hull, il veut savoir, pensez-vous que le Canadien va pouvoir tenir le rythme d'ici la fin de saison? Qui? Le Canadien. OK. Pour garder sa position confortable ou va-t-il devoir se battre pour une place en série? On a souvent vu le Canadien dégringoler en fin de deuxième moitié de saison. Dégringoler. Est-ce que le Canadien, dans le fond, va rester à sa position et va être capable d'aller chercher les points nécessaires pour avoir une place en série ou est-ce qu'il va falloir qu'il se batte? Non, Montréal c'est est... C'est quoi qui est drôle avec cette question-là, c'est que c'est la même question. C'est que ça finit année. Plus. Ouais, ben c'est chaque ça, mais... année, on se pose la question, est-ce que le Canadien va pouvoir mener la cadence? On connaît nos Canadiens. La saison des Canadiens, là... On connaît nos Canadiens. Oui, non, c'est vrai. Pendant qu'il y a une bataille éclate présentement avec Prost. Bon, t'attends que Prost, il se donne. OK. pour vrai... Les Canadiens, là, c'est du quoi? Une saison des Canadiens, là, c'est comme un match, OK? Ils vont finir, ils vont commencer fort. Après ça, ça s'en va en baissant. Puis la troisième période, ils sont dégueulasses. C'est le dernier stretch de la saison. Puis ils se battent pour une place pour les séries. C'est un peu comme toi dans un podcast. C'est bon, t'es fin. Hey, je pense qu'on devrait commencer la période. Non, ça n'a pas de sens, là. Ah, il n'a pas commencé! Mais non, c'était avant que la période commence, là. J'ai pas entendu le sifflet. Ben, c'est justement, on va le partir, le sifflet. Toi, c'est plus genre, toi, tu pars fort, après ça, en deuxième, tu es encore plus fort, puis en troisième, tu dis que tu vas ralentir, puis finalement, ben, tu ralentis pas. Ouais, mais j'aimerais ça que Montréal, ça aille de même. Tu sais, le gaffin finisse en rouleau compresseur. T'as raison. Ben, t'as le donne. Ben, je veux pas avoir raison. OK, mais t'as tort! J'invite les auditeurs à aller sur notre site. J'ai changé le sondage de la semaine. Dans le fond, j'ai fait une nouvelle question. Ah ouais. Êtes-vous satisfait du travail de Terrien et de Bergevin vu que c'est le point chaud ces temps-ci? C'est pas de tes affaires! Oui ou non? Sondage c'est le troisième sondage de la semaine depuis qu'on en fait. Ouais, il y en a un qui est resté vraiment longtemps. Lui, c'est Bataille, on en a parlé. Là, excuse-moi, c'est quoi le sondage? C'est est-ce qu'on est satisfait. Êtes-vous satisfait du travail de Terrien et de Bergevin? Oui ou non? Le télétravail. Le télétravail, ouais, comme ça. Parce que vu que... C'est quoi ça? C'est du télétravail? Ouais, ça, oui, du oui, télétravail? Oui, on est satisfait de ce qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant? C'est la question. Comme Vioreille, voilà. Ouais, c'est ça. C'est télétravail. Parlant de Bergevin? Non. Ben Bergevin, oui, ben, mais... Bergevin, écoute, sérieusement, Bergevin, là, pour se faire pardonner, je pense que il faut qu'il sorte un lapin de son chapeau. Ouais? Oh, ouais, il faut qu'il trouve... Je Asti. Les mauvaises signatures. Écoute, il a signé Murray, il a signé Parrows. Il pensait bien faire. Là, justement, en parlant de ça, Bergevin il a déclaré qu'il considérait que l'acquisition de Parrows est encore un bon move, là, ouais. Selon lui. Ben, c'est sûr, il va se défendre puis il va se sauver à la face. Ouais, mais ouais, sérieusement, Parrows, check-les, là, les dernières games, là, il a joué quoi, Asti? Là, il vissait sur le banc. Il a pas capable. Il joue 4 minutes. Tu pensais qu'il jouerait combien de temps, toi? Non, ben à peu près ça. Écoute, il abat sa patinoire 4 minutes. Moi, ça, c'est un gars. On a compté un but grâce à lui. L'autre fois, il s'est mis devant le net. Ouais, mais Parrows, il est moins. D'une game, là, il est tout en un moins, là, pareil. Là. Ah, ouais. On s'en fait scorer pas mal plus que quand il est sa patinoire que quand on en score moins quand il est là. Tu sais, là. Donc le différentiel, là. En tout cas, c'est compliqué de dire de même, là. Mais je suis sûr que tout le monde a compris, là. C'est pas l'inverse, là. Ouais, on score ouais, pas ouais. Quand Parrows c'est sa patinoire. Tant qu'il y a le cas de Bergevin, l'année passée, Bergevin a dit qu'il cherchait les meilleurs joueurs possibles. Cette année, il a parlé qu'il voulait trouver des joueurs en fonction de leur taille et de leur force. Ouais, ben c'est ça. Le discours change d'année en année. C'est... Ben, il veut trouver des gros joueurs, mais dans le fond, il a signé comme joueur d'impact parce qu'on s'entend que Murray, c'est pas un joueur d'impact. C'est un joueur pour te donner de la profondeur en défensive. C'est un gros joueur. Il t'en donne pas. Parrows non plus, pas un joueur d'impact. Parrows, ben non, parce qu'il joue 4 minutes par game. Tu l'embarques pour faire une mise au jeu, pour se pogner avec l'autre gars ou whatever. Il est pas capable de suivre la game. C'est pas des gars en shape, ils sont pas capables de faire pas, ça. On n'a pas une défense à coche. T'sais, on revient souvent vraiment là-dessus, pas. Mais on n'a pas une défense on à coche. On a deux défenseurs. Puis on joue. Ben, on a deux très bons défenseurs. Puis comme on disait au fond, on a beaucoup de 5-6e défenseurs. Ben, c'est ça. Ça te prend un big three là, à def. Georges qui peut être dans un top 4. Mais tu sais, barely, limite, man, là, vraiment. Là, non, mais en même temps, t'en as besoin d'un joueur comme ça. Ouais, t'en as besoin, mais pas dans ton top 4. Non, mais 5-6. Non, mais il peut être un top 4, c'est ça ouais, je veux dire. Ouais, mais en tout cas. Il rentre là-dedans. Ouais, ils rentrent là-dedans. Ouais, ils rentrent, barely, mais ils rentrent limite. Ouais, 4. 4 limites. Ah, c'est, j'ai pas dit 3. Là. Mais le Mart, il dit qu'il faut qu'il sorte un lapin son chapeau parce qu'il va faire un trade d'ici la date limite des transactions. Ben, parce qu'il doit le faire. Moi, ça me surprendrait en crise. Je vois pas grand-chose, sérieusement. Je vois pas grand-chose de lui. Ben, attends un peu. Non, faut pas dire ça parce que Buffalo, c'est une équipe qui sont vendeurs. Buffalo sont vendeurs. Il ne reste plus rien, man. Buffalo, non. Excuse, il reste quand même du stock Buffalo. Buffalo peuvent avoir, il peut avoir des surprises à Buffalo, là. Buffalo, tu peux avoir, toi, tu dis que Buffalo reste du stock. Oui. Qu'est-ce qu'il reste à Buffalo, Mark? Matt Molson. Il reste Steve Ott, ça peut être très intéressant. Il reste, ouais, mais tu veux-tu vraiment aller chercher un joueur de même? Pourquoi pas? Juste un joueur qui va amener une bougie d'allumage aussi dans l'équipe. Là. Juste on est supposé d'en kick. Avoir un qui est Prost. On a-tu besoin d'un autre? Ben, Prost, il fait combien à job tu vas là, aller, de ce temps-là? Tu vas donner quoi de ce temps-là? Prost fait combien depuis le début de la saison? Depuis début de la saison, games, était meilleur. Non. Ben non. Oui. Non. Prost n'est pas là depuis le début de la saison. Non, je suis pas définitivement, d'accord. Il livre pas marchandise. Il y a eu un moment dans la saison qui était pas mal plus intéressant. Puis... je m'excuse, là. Mais il joue blessé, mais, peut-être, whatever. Il y a un problème, mais là, mais tu vas donner c'est quoi pas Prost l'année passée. Hein? Tu vas donner quoi? Tu vas donner probablement ben trop pour Steve Ott. Parce qu'en plus, il est capitaine là-bas. Ah, je m'en fous. Tu parles de Brière, là, il aimerait ça retourner là-bas. Là. Okay. On avait une question du public de JF Mallette qui voulait savoir, Steve Ott pour Bournival, le feriez-vous? Ben non, parce que Bournival vaut rien. C'est-tu que tu vas donner? Tu vas donner des espoirs puis tu vas donner des choix de repêchage. Tu vas donner des choix de repêchage. Faut que tu donnes des espoirs à Montréal. Tu vas donner quoi comme choix de repêchage? Moi, si tu parles de premier, deuxième, puis même quasiment troisième choix, là, je commence à trouver que c'est trop, man. Ben, troisième choix, non. Ben, premier, deuxième, tu touches pas à ça. Puis troisième choix, ils vont-tu te prendre ça vraiment? Ben, tu donnes un joueur, tu donnes un Raphaël Diaz. Ils sont peut-être intéressés, eux autres, un Diaz. Ben non, mais mettons, je te donne un exemple. Ils sont en reconstruction, ils iront pas chercher un Raphaël Diaz. Ben whatever, je commencerai pas à me lancer dans des trades et tout, là, gars, là. Mais t'as donné Matt Molson, pis c'est pas mal un des joueurs qui m'intéresserait à part ça, là, honnêtement, mais il n'y a pas grand-chose. Ils ont Grigorenko, qui est comme choix de première ronde. Ben oui. Mais je sais, il a rien fait. Il est dans la Ligue junior majeure. Ouais, non. Oui, non, non, mais non, non, non, il a starté cette année avec ouais, mais là, présentement, il est retourné à Québec, man. Mais non, il l'a pas retourné dans la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine, il l'a pas retourné dans le junior. Là. Non, il est trop jeune. Il ne peut pas jouer dans la Ligue américaine, il a pas 20 ans. Pour vrai? Ah, je sais pas. Il a peut-être retourné dans le junior. Il n'est pas retourné dans les remparts certains. Il y a un âge, il me semble que c'est 20 ans. Tu peux pas retourner jouer... là, dans les juniors. Oui, là, si t'as pas l'âge, ça prend genre 20 ans pour jouer dans la Ligue américaine. On a fait de même. Tu peux, si t'as pas 20 ans, tu peux pas jouer dans la Ligue américaine. Ben oui, Chris Leboy, checker ça, c'ti. Ben, on check ça, ouais, puis on check va tes vie. Affaires, c'ti. Ah! Ouais, je suis pas sûr, mais en tout cas, je me demande, il est où, là. Je pense pas en qu'il est dans la Ligue junior, c'est pas grave, là. Vraiment pas, là. Il est pas retourné à Québec dans les remparts, là. Parce que, juste information comme ça, la date limite des transactions, c'est le 5 mars, puis il y a un trade freeze entre le 7 et le 23 février. Ouais, des American de Rochester. Il y a justement pas d'échange possible pendant la période des Jeux olympiques de Sochi 2014. Fait que ça laisse pas beaucoup de temps pour des trades là, dans les semaines qui s'en viennent. Ben j'ai là, hâte de voir, ça laisse pas beaucoup de temps. Je veux dire, en même temps, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas avec quelle équipe qui peut parler. Mais je sais que Buffalo, c'est une équipe qui vont... eux autres, ils vont liquider. Fait que ça se peut qu'il se passe de quoi. Puis on sait que Brière est pas content à Montréal. Buffalo on sait Fire que... Sale. Puis, gars, on le sait jamais, là. Je veux dire, tout est possible. Là. Benjamin, il aurait aussi déclaré qu'il changerait pas son plan. Il veut pas sacrifier son équipe à long terme pour avoir du succès à court terme. Puis là, j'ai une citation de parenthèse. Dave, je sais pas si tu, je pense que c'est toi qui as mis ça. C'est marqué « C'est bien beau, un blockbuster, mais dis-moi combien t'en as vu cette année. » C'est lui. Non, c'est lui qui a dit ça. Et l'an dernier. C'est Benjamin qui a déclaré ça. En répondant pour les trades, ouais, ça. Fait que c'est quoi son point, lui? Ben, ça, je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas eu de gros trade dans la ligue là, dans les dernières années. Ça, là-dessus. OK, il parle de trade blockbuster. Un blockbuster pour lui, c'est comme un gros trade. Là. C'est une ben sorte mais une grosse vue. Un blockbuster, là, c'est genre un trade là, genre à trois joueurs. Style, là. On s'échange ben, à trois joueurs ça, chacun. C'est, tu vas aller chercher un gros morceau, un gros joueur. Là, genre, t'échanges Crosby ou quelque chose du genre. Là. Vraiment un gros gros. Ça, c'est écrit. C'est le blockbuster. Mais c'est parce qu'avant, ouais, il s'échangeait souvent un gros lot de joueurs. Genre, je t'envoie un tel, tout, tu m'envoies lui. Tu sais, gros blockbuster. Ouais, mais un blockbuster, ben c'est un gros. Je pense que généralement. Non, et c'est un gros package. D'habitude, ben, c'est un gros package. Moi, je dirais pas juste un gros package. Moi, je dirais juste un gros move. Ben, ça pourrait être juste un nom, un blockbuster. Ouais, d'habitude, c'est comme... En tout cas, je sais que dans le temps, c'était plus populaire. Aujourd'hui, tu vois moins de... moins en moins de ça, tu vas voir les gros blockbuster trades, des échanges à trois équipes, des affaires de même. Avant, c'est ça, là. Les blockbusters et tout, c'était comme quand il y avait trois équipes d'impliqués. Ouais, ouais. Genre, vraiment un triangle, là. Ils s'échangent tous des joueurs. Mais là, c'est vrai que dans les dernières années, ça a été plus tranquille, de ce côté-là. Oui. Je sais pas qu'est-ce qui cause ça. Ben, c'est la masse salariale, le plafond. Tu sais, avant, là, les équipes, il n'y avait pas de plafond. Bah, je veux dire, il y avait des budgets. Ouais, les Rangers ont déjà essayé d'acheter une coupe. Là, hey, man, l'effet Grigorenko se fera-t-il sentir chez les Remparts de Québec? Ah ouais, il retourne à Québec. Il y a de ça un jour, man. Il retourne avec. Ben, tant mieux pour lui, s'il est retourné là-bas. Moi, je pensais qu'avec son contrat, il ne pouvait pas retourner comme dans le junior, vu qu'il avait déjà... Il y avait déjà joué dans la Ligue nationale. Je suis pas mal sûr qu'il y a un âge minimum pour jouer dans la Ligue. C'est peut-être pas 20 ans, mais je suis pas mal sûr qu'il y a un âge minimum. Non, mais il y a un âge maximum que tu peux plus jouer dans le junior. C'est à 20 ans, elle a dépassé 19 ans, tu peux plus jouer dans le junior. Ouais, mais lui, il n'a pas 19 ans, là. Il joue quand même Gringo. Non. Ah, ben, sûrement parce que s'il est retourné dans le junior, c'est parce que. Mais lui, il est arrivé trop tôt. Ils l'ont comme brûlé, là. Ouais. Il était-tu aussi peut-être un peu overrated? Ben, pas tant que ça. Lui, il avait beaucoup décliné pourquoi à son repêchage. Ça? Ben, oui. Non, mais overrated. Écoute, lui, il a décliné parce que lui, là, il était... Quand le repêchage qui a été repêché, 2011-2012. Ouais, c'est ça, c'est sa dernière année. Le repêchage 2011-2012, quand il a été repêché, il était favori. C'était le gars qui était supposé sortir premier, ça. Ouais, ouais. Puis finalement, là, il a droppé, il a été repêché, je pense, mais il y a plein de monde qui s'entendent pour dire que si Galchenyuk n'avait pas été blessé cette année-là, l'année d'avant, il aurait probablement sorti premier. Ouais, et c'est sûr. T'sais. Puis Galchenyuk a une meilleure carrière que Grigorenko jusqu'à date. Puis mais même des rapports. Il y a Yakupov aussi. Il avait droppé parce que justement Grigorenko, parce qu'il avait arrêté de jouer avec les Remparts. Lui tout, il avait vraiment droppé. Il avait arrêté de jouer. Ah, il jouait bien à la game. Il jouait une game à 6 sur 4, là, tu sais. Ça. Comme ça. Un bon russe. comme tout bon russe. Il y avait une autre question de Jeff Mallette. J'imagine qu'il nous a dit ça en joke, là, mais il a marqué Bourque ou Brière. Ok, aucun des deux. Là. Justement, là, je veux en venir là-dessus sur Bourque. Là, ouais. Parce que c'en est un des joueurs qui n'est pas là à soir. Ouais, on a chialé en tabarnak sur Brière. Mais tabarnak, pourquoi qu'on chiale pas sur Bourque aussi? Parce qu'on est déjà découragé de Bourque. Monsieur Lac la biche, là. Asti. Non, chez moi, asti. René Bourque. René Bourque. Hey, c'est n'importe quoi, ce genre-là. Il y a moins de points que Moen, man. Oh, ça, c'est honteux, par exemple. Là. Tabarnak, là! Moi, c'est un joueur défensif. Chouchou du prof. Il est benché pour la première fois de l'année. C'est à soir, ça, que ça se passe, là. À soir. À soir, ça se passe. Là, aujourd'hui, j'ai lu des rumeurs qu'il pourrait avoir des rachats de contrats dans son cas aussi. Calice? Hey, Bourque, là, il y a eu des hosties de belles saisons, là, à Calgary, là. Ouais, mais c'est un joueur instable. Puis là, il est dans un slump total, là. Bourque, moi, je sais plus quoi penser, là. Mais de toute façon, sais-tu quoi? Je m'en fous de Bourque. La question entre Bourque et Brière, c'est aucun des deux. Il est là, mais il est comme transparent. Puis Brière, ça me fait plus chier parce que Brière a déjà eu une carrière plus établie que Bourque. Ouais, vraiment. Puis là, Brière, c'est parce que Bourque, là, je me dis juste comme c'est un joueur bien moyen. Qui a eu des belles saisons, puis il n'y a plus rien à donner, la tank est vide. Brière, je me dis, la tank est vide, mais on dirait que ça n'étend pas plus que ça de se donner à 100% et ça. Là. Ben, c'est ce que ça a de l'air. Il a de l'air de s'en foutre, il joue mou. Il a de l'air en dépression et ça, lui-là. Là. Bourque, je me dis juste que. J'ai l'impression qu'on dit tellement rien de Brière, mais bah, c'est tout ça qui change. C'est pas, ça, je veux pas enfoncer le clou sur lui parce que je veux dire, je veux pas faire comme du hate gratuit, mais genre sur Brière. Ni Bourque. Bourque, il pas de déçoit, c'est plate. Brière et tout bad. Ben, écoutez, vous fûtez pas dans le décor. On ne s'acharnera pas sur aucun joueur. On n'est pas un média montréalais. Bourque, là, t'as un autre. Moi, j'ai le goût d'en parler quand même un peu. Là. Non, mais vas-y. C'est un autre gros crise de joueur que. Ça joue-tu physique, ça, ce joueur-là? Pas en tout. Un genre ça, de Guillaume Lemarest. Il a la shape. Ouais. Bourque, là, il a tout le style coffre à outils là, pour un style de bon job, mais il fait rien, man. Il fait rien, man. Il fait absolument rien. Rien. Il est pas présent physiquement. Il sort jamais avec le puck. Il se passe à rien de bon. Puis c'est du quoi, Brière? Ben, même affaire, Brière a pas de physique. Donc, il serait supposé être un joueur plus intelligent. Ouais, mais c'est plus un joueur de plus... finesse. Comme ben oui, mais c'est ça. Mais lui non plus, comme pas de magie, mon gars. Là, c'est comme bon, éteint, man. C'est le coma, man. Un, par exemple, qui va bien et qui va toujours bien, c'est Tomáš Plekanec. Puis selon Terrien, il serait candidat pour le trophée Selke cette année. C'est certain. Oui. Plekanec, c'est... Le trophée Selke qui est donné... Joueur défensif. Meilleur joueur défensif, voilà. Mais il est bon dans les deux sens. Sérieusement, il fait des bonnes affaires tout le temps. C'est pas le gars qui a comme la finesse de scorer. Non, mais c'est quand même un pilier que le Canadien. Il est capable de mettre dedans. Il est toujours régulier. Il est tout le temps là. Mais c'est parce qu'il joue tout le temps sur le désavantage. Les deux goals qu'il a scoré, justement, il en a scoré un en désavantage contre les Sénateurs. Oui, oui, c'est ça, le premier goal. Il a scoré le deuxième. Puis ça, c'était Corvo qui a fait un kicking motion. Mais ça a été accepté quand même. Mais ça, c'est parce que c'était le joueur de l'autre équipe. Vas-y. Pensez-vous qu'il y a sa chance pour le trophée Selke? Il a scoré le. Je sais pas, il fait des kicking motion dans le trophée Selke. Je sais pas s'il considère ça dans les stats. Là. Ça s'écrit comment, kicking motion? Tu sais, genre en abréviation stats. Là. Et KM. KMS. Kicking motion stats. Tentative de kicking motion. En pourcentage. But refusé, 15. Aïe. Bon, écoutez, on voulait pas s'acharner sur le cas de Brière, mais je voulais pas s'acharner sur le kicking motion là, mais je prépare un dossier spécial là-dessus, le kicking motion. Hey, ça passera pas comme ça. Là, cette semaine, un dossier kicking motion. Cette semaine, à la soirée du podcast, on vous parle du kicking motion. Non, je voulais qu'on parle de la pub de McDo de Gallagher et Brière. Oui. Je propose qu'on l'écoute en audio. Merveilleux. Pour ceux qui l'auraient pas vu, je vais vous dire, c'est Gallagher et Brière qui sont prêts à commander. T'as pas besoin de la voir. Non, mais ils sont prêts à commander quelque chose chez McDo, puis voici ce qu'il se dit. C'est moi qui l'ai fait. Le trio Gallagher, là, ça vient-tu avec un jouet, ça? Le nouveau sandwich Gallagher de McDo, créé par Brendan Gallagher lui-même. Un sandwich des grandes ligues. Avec la voix de Patrice Bélanger, qui est un ami de Brière, bizarrement. Ouais, mais ça, on n'embarquera pas dans ces potins-là. Bon, je m'en sers dessus. Mais... C'est mauvais comme pub, là. Je sais pas, là. Tu sais, c'est quoi l'affaire? Ça vient de ça avec un jouet. Mais non, mais parce que c'est Gallagher, c'est un jeune. Mais c'est quoi, c'est. Ouais, mais je veux dire. Gallagher, c'est quoi, c'est moi? C'est même pas. Tu sais, c'est comme. C'est... La joke, la ligne de Brière est comme pas cool parce que, tu sais, comme tu dis. Ok, est-ce qu'ils veulent inciter les enfants à dire genre comme, tu sais, ça vient avec un jouet, style ou quelque chose de même, juste comme mettre ça à la puce à l'oreille, il y a peut-être un jouet qui vient avec ça quand tu prends ce trio-là, whatever, ou tu sais que comme Gallagher c'est un bébé, genre. Mais ils sont mauvais. Puis dans 24 CH, je t'ai voyé en bus assis à une table en train de manger un burger, fait c'est quoi, cette scène-là a été coupée au montage? Ben peut-être qu'il va y avoir plus qu'une pub, là. Ah, peut-être, j'imagine. Donc, c'est peut-être une campagne. On va se faire chier pendant 3-4 pubs. Gardons-nous donc la surprise. Ouais, le jouet surprise dans les trucs avec tes yeux d'enfant. Peut-être que le prochain épisode, on va vous parler de la prochaine publicité. Peut-être. Ouais, Dave. Quoi? On va comme des gens en train d'annoncer une exclusivité. Hey, Mark, moi, je pense dans la deuxième pub, on les entend saper en mangeant un burger parce que c'est visuel. Genre comment? Concernant ça, il y a Mathieu Lamar sur Facebook qui veut savoir si on avait goûté au sandwich Gallagher. Papa, t'as-tu vu? C'est comme trois boulettes cantées sur le côté. Pourquoi c'est lui qui a fait la recette? C'est moi qui l'ai fait. Mettons, tu prends un pain de mec extra, là. Ouais. Il est plus gros le pain mec extra, hein? Mettons un hamburger normal. Je pense que je n'ai jamais pris un mec extra. Là. Ok, mais le pain d'un mec extra, c'est vrai, il est comme plus gros. Il est gros un peu, là. Il est comme plus large. Puis c'est comme si Dan avait mis trois boulettes, mais de hamburger standard. Fait qu'ils ont mis sur le camp, une par-dessus l'autre, comme s'ils étaient étagés. C'est merveilleux. Ça a l'air d'un mec extra, mais avec des boulettes d'hamburger. Eh ben. Moi, les athlètes qui sont commanditaires de McDo, là, j'imagine qu'ils ont un Christy de gros chèque qui va avec ça parce que pour annoncer de la malle quand t'es un athlète professionnel, me semble. Hey, McDo, là, ils doivent en faire de l'argent en hostie, là. Fait que tous les joueurs en mangent la crap, là. Non, je sais, mais t'es. Il en mange pas dans beaucoup. Dans ta responsabilité d'athlète professionnel, il doit avoir le droit de le bon exemple. Oh, lâche! Oui, man, asti. Des pâtis a été commandité par McDo pendant des années. Man. C'est un okay. athlète olympique. On n'est pas un podcast de plongeon, hostie, pis c'est pas du baseball ici. Ouais, là. J'avais juste le goût de mettre le sang. On commencera pas hostie, à parler là, de crises de sport plate, là, pis que le monde n'y gagne pas des millions. Fuck it, hostie. Moi, j'embarque pas là-dedans. Je suis pas là. Je suis pas là bénévole, moi, tabarnak. Laisse-tu, man. Voyons, c'est à toi d'élever tes hosties de jeunes pis de leur dire que c'est pas bon si tu veux pas qu'ils en mangent. C'est quoi, là, la semaine prochaine, hostie? Tu vas commencer à parler à ce petit ballon rouge. D'autres, on veut juste des podcasts de joueurs trop payés qui se traînent les patins sur la glace. Ouais, hostie. C'est ça, des hosties de flambeau. Ah, élève-les tes patins, gros. Dernier point consonant, c'est de... là que le show commence à devenir trash. On est sur le bord de finir la deuxième, puis dernier point consonant ouais. le CH. Markov négociera son contrat lui-même. Qui mange la marde. Il voudrait finir sa carrière à Montréal. Pis, ah, ben, ils disent tout ça. Mais ça, on avait dit dans un autre podcast avant que c'était sa blonde qui voulait le représenter. C'est les croches. Ouais. C'est une salope. Ça a l'air que là, c'est lui qui se représente. Mais moi, j'aimerais bien sûr qu'elle me présente quelque chose. Hein? Ou tu peux lui présenter quelque chose. Moi, j'aimerais ça qu'elle me présente une offre. Cette offre est refusée. Une offre que tu peux pas refuser, justement. Ouais. Ben... Ouf, moi, je pense que c'était une guédoune. Oh, je m'en colle. Mais ça, on a déjà parlé dans, pas marié, dans les autres podcasts avant. Tu vas marier, Asti. Je t'ai vu, t'as acheté une bague tantôt. Là. Ouais. Bon, je pense qu'on a déjà parlé de ça, Markov. Combien de temps puis jusqu'à quel prix on voudrait le garder? On... Moi, Markov, moi, je veux que je finisse sa carrière à Montréal. Moi, Markov, je le veux à Montréal. Puis je le signe. Puis honnêtement, là, je pense qu'on peut lui donner un bon 2 ans facile et plus. Là. Tu vas jusqu'à 4? J'irais c'est des chiffres que j'ai vus cette semaine, puis je me disais moi aussi je que 4. Je m'étirerais à 3, mais à ce moment-là, je donnerais moins. 4, je suis game, moi. Ouais? 4, t'es ouais. game? Ouais, oh, je serais game. Ouais, parce ben, que je regarde, admettons, une équipe là, comme Pittsburgh, là, qui avait. Tu y donnes beaucoup moins. Ben, tu droppes un peu. Descends, tu fais... Ouais, mais t'as un peu. Mais check bien ça. La moyenne salariale sera pas 5 millions. Ah, ça peut être possible pareil parce que je regarde. Non, t'as peu. Parce que je vais faire un parallèle. Je regarde les Penguins de Pittsburgh qui ont perdu Sergei Gonchar. À l'époque, là, tu sais, là, 3 ans, ça a paru beaucoup. Puis Gonchar, il joue avec Ottawa, puis il est encore performant, est genre sur le power play, ça marche encore moi, bien. C'est comme, Chris, c'est, ben, je pense, selon Markov, moi, je trouve que ça Markov, marche très en bien en encore. Il y en a encore à montrer, puis il y en a encore à donner. Tu sais, Markov, il va ralentir, mais est-ce qu'il peut être plus lent que qu'est-ce qu'on a déjà eu comme de Hall Gill? Est-ce qu'il peut être plus lent que Murray? Je veux dire, non, tu sais, ce gars-là, ouais, ce power play, il va tout être génial. En même tout temps, Mark, temps, je suis sûr. Tu sais, un joueur lent, pour vrai, ça, c'est vraiment de la merde. Qu'est-ce qu'on a compté pour un les joueurs poolers lent, qui nous là, sérieusement, là, si t'es un joueur lent, mais que t'es intelligent avec la rondelle, tu vas être talentueux. Puis je vais donner un exemple d'un joueur qui a vraiment ralenti, puis qu'on l'a vu cette semaine. Jagr, man. Jagr, il est lent, comme ça se peut pas. Il est capable de rappeler le puck n'importe comment. Il est tellement agile. Ouais. Il va faire ce qu'il veut, même à la vitesse qu'il va. Hey, comme à lèvres. Il roule à 3, man, puis il va te la rentrer dans la face. Puis tu verras. Avez-vous vu l'épisode de 24CH que Jagr est là, puis Brière, puis je pense que c'est Desharnais parle de ses lames de patin. Ouais. Il y a des petites lames de patin toutes minces ouais. à l'air, là, lui. Là. Qui est ça, Jagr? Jagr, ouais. Ben, Jagr, là, c'est bizarre parce qu'il a tout le temps eu en plus le même patin tout le temps, un patin tout noir. Un genre de Bauer ou je sais pas quoi. Là. Moi, je pense qu'il l'a même pas changé depuis toutes les années, en plus. Non, lui, il a tout le temps gardé le classique. C'est plus non, mais lui, il a tout le temps eu comme des patins tout noirs, ce gars-là. C'est un des seuls qui a ça. Puis c'est ça, comme, c'est il a jamais raciste, ça? Non. Non. Je parle de patins. Je suis pas raciste, j'en ai des patins chez nous. Là. Ben non, mais... Ouais, mais ça a l'air mettre blanche. Non, mais grise. Ah ouais, mais silver, je parle de le truc qui tient à l'âme. Là. Silver. Est-tu blanc, lui? Ouais, le toc. Le toc, ça s'appelle le toc. Ouais. Es-tu blanc, le toc? Tout le temps. Tout le temps. Bon, OK. L'appareil est fini, mais juste avant d'aller en deuxième entracte, parlons un peu de TVA Sport, parce qu'il y a eu des nouvelles là-dessus. Félix Séguin devient la voix du hockey à TVA Sport. Bon, c'est encore lisse. Wow. Patrick Lalime sera attends, l'analyste attends, des matchs. Juste pour dire de quoi par rapport à Félix Séguin... Je pense que c'est lui qui a fait le tournoi des juniors ça se peut, ouais. aux mondiaux cette année. Ça se peut, ouais. C'était pourri. C'était pourri? Ben, c'était pas pourri. C'était. Ouais, mais hey, c'est quoi? C'est un nouveau. Il y a un point que j'ai entendu, puis c'est vrai. Le gars, c'est-tu quoi? Les gars, ils animent hostie d'un studio. Ah, ça comment, être, j'avoue que ça doit être, là, ça doit regarde, regarde la game, là, puis regarde, tu sais, ça, ta TV, là, puis OK, ouais, c'est beau, Dernier qui prend le j'avoue que ça doit être. Mais je dirais pas qu'il était pourri, je dirais qu'il était. Il était juste comme. C'est un manque d'expérience ou c'est oui, probablement. Ouais. Ouais, mais tu sais, à vous, là, c'était dans le crowd, là. Il y a 20 000 personnes qui gueulent, là. T'es sa passerelle. On verra, mais qu'il soit là. T'es à côté, c'est cool, là, sur le bout de la passerelle, là. Puis tu checkes toute l'action en bas. Ok, là, t'as l'affaire. Là, hey, là, oublie ça, là. T'as bien plus de stock que regarder une game à la TV, là. Mais là, parce que quand eux autres ils décrivent, là, c'est sûr qu'il est tout le temps comme et le but! Puis il sonne comme d'un bout. Là. Il n'y a pas le crowd. Il n'y a pas besoin de crier parce que le crowd gueule trop fort. Il n'y a pas. Il perd tout ce que tu as dit. On verra. On verra. On verra, mais qu'il soit là. On verra d'ici la chance. On a aussi. On va, ouais, je vais la chance. Patrick Lalime va être l'analyste des matchs à TV Sports. Ils sont allés chercher leur. Un autre qui a fait son apprentissage à RDS. Ça n'aurait pas été eux autres, ça aurait été qui, là? Puis cette semaine, on a appris également que Guillaume, la tendresse. Ouais, retour, comeback. C'est pas surprenant. Lui, non, mais lui, par exemple, joint l'équipe de RDS. Le gars qui a pas de patin. Il va être commentateur et analyste à Hockey 360. Il va être meilleur. Il peut pas être pire que Gauthier. Le pire à ce coup de patin que j'ai. Est-ce qu'il vient remplacer Bergy, la tendresse, dans le fond? Tabarnak. Il est mieux de pratiquer ses devils tout seul. Ah, ben oui, je pense que le Canadien. Faire shiner ses bacs du junior. Les joueurs. Puis moi, je me souviens avec Peter Stachny. Je me souviens dans mon temps avec Peter. Moi, j'ai le seul coach à changer. Non, mais t'as vu la tendresse, mais. T'imites Kevin Parent, là. J'aime Kevin. Sur ça, on va aller faire le deuxième entracte. C'est vrai, quand t'as ça d'imiter Bergy, tu sonnes comme ça. C'est facile Parent, de déraper sur Kevin Parent en faisant Bergy. J'imite Kevin. Clique un chien sur moi. Sur ça, on va aller faire le deuxième entracte, puis on vous revient pour la troisième période. On est de retour pour la troisième période. Alright, deux bières qui s'ouvrent en même temps. Wow, avec un délai d'environ 5 millisecondes. Mark a manqué le timing. Mark a calculé ça. Là. Non, c'est parce que moi, j'ai tout à soif avant tout le monde, fait que j'avais déjà débouché ma bière. Alors, on va partir la période. Voilà. Et puis, on a entendu... Et sur ce, on s'en va dans la section Around the NHL. Oui. Around the NHL. Version no grelots. Alors, on n'est plus dans le temps des fêtes, malheureusement. On enlève voilà. Les petits grelots à la fin de ça. On a une question. Mais on a encore nos balls, par exemple. On est dans la section autour de la Ligue nationale. Et puis, on a une question de Nick Chalifo qui veut savoir quelle est la meilleure équipe dans l'Ouest, selon nous. Est-ce que Chicago peut être détrôné? Anaheim. Là, c'est Anaheim. Ouais. Saint-Louis sont très forts, mais moi. Ouais, Chicago. Pourquoi? Parce que Chicago, man, c'est une équipe qui. Complète. C'est ça, man. Ils ont tout. Puis. Ouais, mais. Honnêtement, encore cette année, je pense qu'ils peuvent surprendre. Saint-Louis sont très forts aussi. Ouais, puis Anaheim, sérieusement. Non, mais Anaheim, c'est pas vraiment qu'ils sont forts. Mais il y avait une autre question en plus. Ça fait longtemps qu'ils sont bons en Anaheim, par exemple. Ça fait vraiment, là. Tu sais, Corey Perry, Getzlaff. Mais là, avant, il y avait l'autre, Bobby Ryan, justement. Ouais. Ils ont quand même Koivu, veut pas. C'est l'année qu'ils scorent encore des buts. Ils ont vraiment pas un vilain team. Là. Non, ils ont un bon goaler. Présentement, là, en plus, là, tu checks ça, ils sont premiers dans l'Ouest. Puis ils ont un différentiel de plus 48. Puis eux autres, c'est 172 goals pour, puis 124 goals contre. Non, c'est ça. Il y a un esti défensif. Saint-Louis, c'est 164 pour, 104 contre. Mais eux autres, ils ont un esti défensif, ça coche. Eux autres sont plus 60. Puis Chicago, eux autres, ils louent plus de buts, 137, mais ils en comptent 181. Y a-t-il une minute de pénalité dans le... Je l'ai pas là-dedans. OK, c'est ça. Parce que... Mais c'est... Hey, man, Chicago, man, 181 goals for, c'est... un sommet dans la ligue présentement. Ouais, c'est ça. Ben, Chicago s'en fout. Ils ont tellement de profondeur à l'attaque, ça, là, c'est malade. Sinon, tu compares avec Buffalo. 83 pour. J'suis surpris que Seabrook n'a pas été pris en plus dans le Team Canada. Là, Seabrook de Chicago. Il y avait beaucoup de choix, là. Ouais, c'est ça, mais vraiment, là, je suis surpris, là, parce qu'il est vraiment fou. Là. Il y a Mathieu Lamarre aussi qui veut savoir nos déceptions et nos surprises de l'année, que ce soit une équipe ou un joueur. C'est lui qui voulait d'ailleurs savoir si on avait goûté au sandwich Gallagher. Là. Il veut savoir nos déceptions. Ouais. Dans le Canadien? Dans la ligue au complet. On pourrait dire nos déceptions et nos Surprises de l'année. Nos surprises. En équipe, mettons, là, dans présentement, Anaheim. Une déception, moi, je dirais, là, la blessure de Stamkos, parce que j'aurais aimé savoir Stamkos continuer tout le temps, voir comment il aurait continué. Là. Lui, c'est fou. Là, là. Fait que ça, j'aurais aimé ça le voir, lui, cette année, qu'il se fasse pas comme une fracture, là, ou je sais pas quoi, là, de la jambe, là, du tibia. Là. Ouais, il s'est fracturé le tibia, ouais. C'est ça. Mais il revient, là, il a commencé à patiner full time. Ouais, mais il est sur le team olympique aussi, je pense. Ouais, là, il est sur le team olympique, puis il a commencé à, là, il a commencé à faire les pratiques avec l'équipe aussi, là, patiner, là, toutes les pratiques complètes. Ça a été moins long que ce qu'on pensait. Ouais, je pense que ça a été mieux qu'il passait. Sinon, surprise de l'année. Dave, vous déception. Ben, déception, là. Mais, genre, moi, je veux dire, dans la ligue, là, c'est de voir à quel point. C'est peut-être pas ma déception, mais ça, c'est la première fois qui me vient en tête, là. Parce que je regarde ça, c'est voir un team comme Edmonton. Ouais, c'est qui ça. Ont plein ouais, de c'est choix, ça, j'allais dire, ouais. Qui ont plein de petits choix c'est de pathétique. Repêchage. Ils viennent de trader en plus, leur goaler, Dabnyk. Ouais, ouais. Dabnyk vient d'être trader. Il n'y a rien qui marche, puis, Son dernier, là, dans la ligue, là, ils ont 36 points, man. Ils ont des gars comme Eberle, Nugent Hopkins. Il y a juste Buffalo qui a moins de points qu'eux autres. Ils ont tout vendu. Ils n'ont plus de joueurs là, à Buffalo, là, quasiment, comme on disait tantôt. 32 points. Tandis que tu as Edmonton, que tu regardes leurs jeunes, là. Nugent Hopkins, Hall, Eberle encore, t'as tous les jeunes, pis ils en ont d'autres là quand même. Ben, Yakupov, ben elle est blessée. Ouais, là, Yakupov, c'est ça. Ben, déception, sinon, moi je dirais Calgary aussi, là, qui a 38 points présentement. Là. Pas très fort. Non, c'est pas fort. C'est pas fort. C'est Bartley qui est là, Bob Bartley. Ouais, qui le petit coach, le Bartley. Décevant pour Bob Bartley. Sinon, notre Sam Larry est blessé et tout. Qui? Ouais, commotion. Il est blessé, ouais. Sinon, Sam Gagné et tout à Edmonton. Pas un mauvais joueur, Sam Gagné. Ah non, mais non. Super écoute, bon ils joueur. Ont, ils ont rien que des gros joueurs, mais c'est comme, ils ont pas le mononcle là, dans l'équipe, on dirait, là, que ça non, prend. Là, ça là, ça pour marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne avec cette équipe-là. Puis il n'y a personne qui prend le bord. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est bizarre. Genre, dans la direction là, de l'équipe, là, que je pense que c'est Kevin Lowe qui est le DG ou McTavish. Je te dis, il y a quand même beaucoup de joueurs. Ils veulent comme pas... ils font pas de ménage. Là, ils ont fait un move, c'est changer Dabnyk. Dabnyk, je veux dire... C'est un goaler, il est jeune, lui-là. Là. Ouais. Puis il avait quand même un peu d'espoir, tout ça. Puis je veux dire, il s'est fait brûler là, hostie, par les Oilers parce qu'ils ont zéro def. Là. Ils sont dégueulasses. Là. Puis ma surprise, ben c'est lui. Qui est ce joueur? Je sais pas. Un gars qui a un jersey noir, en tout cas. Notre surprise de l'année, sinon, qui on pourrait dire dans les teams? Je regarde un peu les stats ici. Là, ben Anaheim, là, c'est sûr, en premier... solide. Ben, 77 points en surprise. Moi. Non, mais c'est le nombre de points qui me surprend. Je dirais un peu, plus là. Une ben, surprise. Je pensais pas qu'elle allait être fort demain. Peut-être non, pas fort ça, demain, là, mais avec, surprise. Les gars, ils prennent de l'âge. Ils dominent. C'est les numéro un dans la ligue. L'Avalanche, man. L'Avalanche, là, c'est une surprise. Man. Colorado sont 5e présentement avec 65 points. Ouais, mais si tu checkes dans le wild card. Mais le début de saison. Ouais, mais dans le wild card, ils sont 3e de la conférence. De leur division. Fait qu'ils sont dans une série présentement. Ils sont bien encore. Mais ils ont sont dans la même position que le Canadien, man. Ouais. T'sais, mettons pour leur conférence, là, si on compare. Ils ont eu un début de saison vraiment explosif eux autres. Ouais. Je sais pas si Roy a fermé des portes là, ou quoi. Là, mais, en tout cas, ils sont cinquièmes. Il ferme pas, lui. Il est défonce. Il est défonce. Sinon, Marc, veux-tu checker le ranking pour ben, les surprises? Une surprise. Moi, je peux en nommer une surprise là, que je viens juste cette de penser. Cette question là, nous prend au dépourvu. Avec les Rangers. Ouais. Cam Talbot. Moi, c'est une surprise, ce gars-là, man. Ouais, who are you, Cam Talbot? Lui, man, il goal beaucoup de games cette année parce que sérieusement, Lundqvist, ça marche pas. Puis j'ai même entendu une affaire, ça a l'air que Lundqvist, aux Jeux Olympiques, il veut ramener ses pads. Parce qu'aux Jeux Olympiques, les règlements pour les pads, c'est pas la même affaire. Tu peux avoir les pads plus hautes. Puis on réduit la hauteur des pads dans les nationales. Ouais, lui, il va revenir à ses anciennes pads plus hautes. Okay. Ça a l'air que ça joue beaucoup dans son game cette année puis dans sa game cette année puis ça a l'air qu'il est moins bon à cause de ça j'ai entendu là. Fait quoi hey, tous les goalers là, ils l'ont tous subi ce changement là. Ouais, ouais. Pourquoi qu'un excellent goaler comme Lundqvist il a de la misère à s'adapter man. A de la misère à s'adapter mais... tout ce que ça fait c'est que ça t'ouvre comme le trou entre les jambes le five hole là. Check tous les buts que Lundqvist manque là, et il mange là, qu'il reçoit là, tous les buts qu'il se fait scorer je suis pas mal sûr que c'est probablement pas tout entre les pads mais, là, que mais ça tout passe, ça pour dire là, Mart, que je parlais de Cam Talbot là, ouais. 15 games cette année là, 10-3 puis 2 en shootout non il est 940 fou. Moi il me surprend 940 voir quand même c'est bon là, ouais. Ouais. Et c'est fou il est premier dans la ligue je pense ouais, mais combien de games de jouer 15. Ah, ça, il n'a pas joué autant de games que Price ou genre. Ces games qu'il a joué, il les a goalés comme un Justy Champion. Non, mais, pour un deuxième gardien, là, c'est comme, OK, Chris, ils ont quelque chose de solide, là, ou en tout cas, qui est prometteur. Les cette année sont bons quand même. Ouais, c'est vrai. Mais Price pourrait être une surprise pour moi cette année, par exemple. Je m'attendais pas à ce que non plus lui soit aussi bon, fort moi, que ça. Moi, je Price, je pense que c'est le gars le plus. Price, je pense que c'est le plus spectaculaire de la Ligue nationale. Je veux dire, son style est tellement. Il est tellement beau à voir là, comment il se déplace, comment il est rapide, précise, comment tu sais c'est ça, je dis il est, c'est un gardien de position puis il manquait juste je pense un peu de ah, il est rodé là. Un mais peu de non, guts puis un non, peu mais il a de... tout le temps été puissant là, tu sais là comme ouais. Goaler ça a été un goaler il est rapide fort, cette année. Mais c'est ça tu sais qu'il se déplace pour un poteau à l'autre, c'est super rapide, c'est quick tout ça, on dirait qu'il manquait juste comme la finition là. Ouais. Puis là, on dirait qu'il l'a à finition. Là. Il finit ses saves. C'est-tu l'effet Stephen Wade? Ah, sûrement. Ça a dû aider vraiment gros. L'âge, tu sais, un effet de tout. Là, mais... ouais, il y a l'âge aussi, c'est sûr. C'est ça. C'est la patience. On se demandait justement l'année passée. Il arrive à maturité, c'est ta tête, c'est ton mental, tout ça. Qui... Là, présentement, il Price plus, là, il commence avant, à être dans ses... Mais c'est le début de ses meilleures années. Là. Il commence pour être dans le début. Il commence son apogée. De... Là, il s'en vient. Nous, ce qui va continuer à devenir. Bon, je le demandais l'année passée, justement, dans le podcast, si le changement d'entraîneur de Price allait faire une différence. Moi, j'avais je un pense gros que doute. Oui. Puis moi, on avait tous là, un gros doute, me semble, là-dessus. Quand je parlais l'année passée de Price, là, vraiment, là, c'est comme c'était pas si positif que ça. Tu sais, genre, j'avais de l'espoir en lui et tout ça, mais je me disais, non, ce gars-là, il est trop mou entre les oreilles. Là. Il y a de quoi, tu sais, il y a le mental. Ouais, mais au moins, t'es pas. Il faiblissait trop. T'es pas un hater dans le sens que bon, t'es non, capable de reconnaître pas. Que, tu sais, vraiment. Non, moi, c'est ce que je vois. Il a atteint le niveau que. Ah, moi, c'est quand pas, je vois encore du monde dire « Oh, au Canada, ça va être Price qui va être dans les goals parce qu'on n'a rien d'autre anyway. » Non. OK. C'est parce ouais, que c'est le meilleur. Ouais, non, ouais, non. Man, non, ce gars-là, c'est Price, là, c'est mauvais, ça que j'aime là. De lui. Là, puis, tu sais, j'ai tout le temps cru. Tu sais, je veux dire, ça se voit que ce gars-là, c'était comme un... Il était fait pour faire ça, mais c'était juste le temps que ça prenait avant qu'il arrive à ça, là, comme là, direct là, là. Puis, tu sais, on a vu toutes les étapes. OK, bon, tu sais, avant, il se choquait bien plus que ça. Là. Quand il se faisait scorer une coupe de but, là, tu sais, il claquait son bâton, il était en crise. Là, il a l'air en contrôle. Là. Ouais, vraiment. Il a l'air pas en plus en contrôle. Plus intense. Puis... Bon, on va faire le tour un petit peu de la Ligue. Il y a Tim Murray qui quitte les Sénateurs d'Ottawa. Il était DG, adjoint DG, en fait, puis il devient DG des Sabres de Buffalo. Ouais. Que, ben, du changement à Buffalo. Ouais. Ça, c'est le neveu de l'autre, là. Ouais, de Brian Murray à Ottawa. Murray. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Il travaillait avec Ottawa. Mon oncle. Il était à Ottawa. Ouais, il travaillait avec mon oncle. Là. C'est bizarre. Il est parti. Ça, là, c'est de la politique. Il a appris de mon oncle, mon oncle Brian, puis il a crissé son camp pour un équipe. Ben, c'est correct. Ben non, c'est correct. On va voir, je veux dire, c'est quand même, c'est Pat Lafontaine qui était en place là-bas un peu pour aussi aider. Mais je veux dire, c'est Pat Lafontaine. Il y a les Jets qui ont fait un peu de ménage aussi. Ouais. Ils ont congédié leur entraîneur Claude Noël et l'adjoint Perry Byrne. Non, excuse, pas Claude Noël. Non? Claude Noël. Claude Noël. Noël. Dans son cas, c'est plus Claude. Moi. C'est plus Claude Noël. Claude Noël. Claude Noël. Claude Noël. Ainsi que l'adjoint Perry Byrne. Et Perry Byrne. Perry Byrne. J'ai déjà été à Montréal. Ben oui, quand j'ai entendu ce nom-là cette semaine, j'ai fait comme Perry Byrne. Là, ça va être Maurice qui va. C'est Maurice qui va prendre la place. Ouais, c'est pas Maurice qui va prendre la place. C'est hâte parce qu'il a accepté un contrat, mais tu sais, juste pour remplacer cette année. Mais il a déjà coaché dans la ligue, lui. Ouais, mais il a été congédié par les Hurricanes de la Caroline en 2011, lui. C'est ça. Paul Maurice. Il a déjà coaché dans la ligue comme ouais, coach, puis là, il accepte de remplacer temporairement jusqu'à temps que la saison finisse pour changer. C'est comme après. Un coach par intérim. Ben, il fait comme ça, ouais. Il fait exactement la fait job pont, la job que l'autre a faite avec Montréal. Là. Ah ben, c'est ça, Connerworth. Connerworth, c'est ça. Ah, mais t'as pas le choix, faut-tu mettre un gars dans du banc, tu slack ton coach. Ah ouais, sauf que Connerworth, il avait jamais été coach. Ah, mais Connerworth, tu peux pas le compter comme un coach, là. Tu sais, je veux dire, c'est un gars qui s'est retrouvé là, il avait pas le choix, il fallait que ça aille là. C'était pas dans, le temps là, qu'on avait, Bob Gainé, là, dans le temps qu'on avait Gainé, c'était Gainé que t'as descendu en arrière du banc de Montréal, là. Tu sais, hein. Ouais, mais ça, c'est pas la première fois que tu vois ça. Mais non, c'est pas la première fois. Il aurait pas le choix, man. Il aurait pas avoir un sac à la tête. La Montréal-là, il a fait ça régulièrement. Ben. Il crissait ses gars dehors. Mais t'as pas le choix. C'est les Devils. Il crissait ses gars dehors, puis après ça, il a cherché le fame. Tu sais, Connerworth, là, c'était l'assistant coach, là. Ouais. Tu sais, c'est sûr que c'est lui qui, par défaut, boum, c'est lui qui tombe là parce que c'est lui qui fait tout, qui organise tout, genre le power play puis tous ces conseils-là. Ouais, tu sais, il n'y a pas le choix, c'est lui qui connaît le mieux le gars, là. Crélou. Hey, Lou, c'est là. Qui, Lou? Vous avez dit Crélou en même temps. Non, mais lui, il aime ça le show. Il aime ça, il se met devant la caméra, le loup, de toute façon. Symbiose, t'es émotif. Ouais, ouais, on... Sérieusement, je suis touché. On connaît, on va jouer ensemble sur le powerplay, moi puis Dave, là. Hey, ok, je vous lance la question comme ça. Est-ce que c'est la dernière année de Martin Brodeur? Non, je pense pas. Je pense pas. Non, je pensais pas que c'était la dernière fois qu'on l'a vu quand on a joué contre eux. Pas autres. De la manière qu'il goal. Ben, il y en a encore. Mais tu sais, il y en a encore à donner. Il y en a encore à donner, mais en même temps, tu voudrais-tu. Mais les Devils, c'est pas fou comme ça. Tu voudrais-tu te retirer dans la gloire plus que genre en baisse? Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ce gars-là, il va aller se retirer genre en n'étant pas un Devils? Il a passé sa carrière là. Puis tu sais, c'est correct, mais admettons qu'il va goaler pour une équipe qui va gagner la Coupe Stanley. Admettons que tu la vois second goaler, tu sais, genre dans une équipe qui est déjà rodée pour la Coupe Stanley. Mais as-tu vraiment besoin de ça? Ouais, il va avoir ce cadeau-là. C'est pas, là, c'est pas comme je sais pas. Je pense pas qu'il aura choisi tant que ça son team pour dire ah, je vais juste jouer dans une autre équipe ou je vais jouer dans une autre saison. Non, d'après moi, lui mais vise toi, encore toi, un goal. Tu penses qu'il veut encore la coupe là, ah, sûr que oui. Mais non, mais si tous les joueurs la veulent, la coupe. Là, mais ah, c'est dire, sûr, c'est sûr qu'il veut. Je veux dire, tu penses qu'il irait dans une autre équipe juste pour aller chercher une autre équipe? Tant qu'à s'en aller devenir tranquillement un deuxième qui fade away genre d'une équipe no name, je pense qu'il va dire, il va se dire comme regarde, je vais aller d'une équipe winner, je vais les aider à gagner, si un fuck j'embarque à puis il va se retirer dans boîte, un autre équipe puis après ça that's it, fini. Tu sais, il va prendre une dernière coupe peut-être, il va prendre ce risque là, puis après ça il va faire comme je pense, parce que sinon il va faire je vais mourir avec les Devils parce qu'il a passé sa carrière là. C'est un gars qui a refusé les trop grosses demandes de salaire, il signait ses contrats lui-même, c'est ses amis. C'est, je veux dire, c'est sa famille, les Devils, ce gars-là. Il a fait souvent les Devils, des salaires en dessous de ce qu'il aurait pu gagner. Là. Ben, il dirait ça. Il est en avance sur son temps. Là. C'est comme le Che Guevara de la Ligue nationale. Vous l'aurez entendu à la soirée du podcast. Et voilà. Ah, c'est bon, ça, Marc, c'est ça. Ouais, là. C'est une belle référence. Allez, bon. Des références de même, on en prendrait pendant toute la game. Mais c'est forcé, ça. Pareil, Marc, pareil. Non, mais c'est ça. Je pense qu'il va vouloir mourir comme un Devils. La ressemblance, là. Oui, c'est bien. Flagrant. Le look, tout, là. Les idéologues. Le béret, je pense. Hein, qui... Les livres. Moi, je pense que c'est. Le cigare, man. Moi, ça fait tout comme ça l'est avec ouais, ça. Moi, Marc, je pense que c'est le béret. Moi, je pense que dans tout, c'est le béret. Je sais pas, hein. Hey, bien, les gars. Peut-être la moustache. Parlons un peu de Thomas Tatar. Thomas Tatar. Ah, quel joueur spectaculaire. Il est-tu en feu, ce style-là, ces temps-ci? Ouais, ben. Tabarouette. Il n'y a pas tant de buts que ça, je pense. Non, qu'il y a mais comme une ses dizaine buts de buts sont toujours spectaculaires. Mais ils sont tous beaux. Sérieusement, on vous invite à aller voir sur NHL. Pour ceux qui nous écoutent live, Dave va mettre un en arrière. Ses buts sont tous beaux. Checker tous ses buts, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est tout le temps hot, il y a des hosties de bonne main. Il est vraiment cool d'avoir joué. Il en a fait un cette semaine, je pense, puis il l'a dédié à son père, il a pointé le ciel parce que son père ouais, est décédé la veille. Ouais, ça ressemble un peu à la signature de Jagger que Dave haït tellement. Il a enlevé son grain. La signature de Jagger, c'était vraiment grain. Il enlevait son grain, son grain. Il enlevait son grain, puis il faisait un petit salut, là, sur le bord. Ouais, mais c'est symbolique, c'est son grand-père, ça. Lui, ça, c'est pour son grand-père qui est mort à la guerre, genre. Puis c'est pour ça qu'il a 68, lui. Ça, toute l'histoire de non, la guerre de la pas, République tchèque, tout ça. Pas, lui, il a comme pas un le affaire. Geste, c'est pas le geste, Mark. Mais... C'est la mère qui le faisait. Tu trouves qu'il est trop fendant? Ah non, c'était comme... C'était hot, man. Ben non, le salut du général, man. Hey, non, mais il était fif, son salut du général, là. Non, il était stock, là. Tatar, lui, a enlevé son gars, a pointé le ciel. Ouais, ben douette, là. Ben, si, mon gars. Ben, c'est ça, man. Vers l'intérieur, hey, il a fait son service à ce gars-là, là. il a fait son Après, ouais, allez voir ça, les buts de Thomas Tatar. Et ça, hey, personne aurait été dit à la soirée du podcast. Personne n'a chialé sur ce. Il a fait son service à ce gars-là. Il y a personne qui a chialé sur cette célébration-là, le Tatar qui pointe le ciel. Pourquoi Subban n'aurait pas le droit d'embrasser son logo? Non, y a-t-il quelqu'un qui va chialer sur le fait que c'est Chris Hadfield qui a chanté l'hymne national, par exemple? Ah, ça, là, ouais, ça, on a oublié d'en parler tantôt. Au début de la game contre Toronto. C'était beau, on était tous là. Chris ressemble au gars de. Ben, c'est Chris Hadfield. Il ressemble au gars qui. Ah ouais, c'est ça, je voulais dire. Le gars qui tordait une mop une gainée dans l'espace là où je suis pas ouais, trop ouais, ouais, il y a ouais. qui a fait hey, ça ouais ça vaut la peine de dépenser des millions dans le programme moi, aérospatial j'ai tellement ri dans le bye-bye quand il parlait des affaires qu'il avait faites puis que le gros cave il disait t'as-tu vu ça? Gros cave disait non. T'as-tu vu ça? Gros cave disait non. Moi à chaque fois qu'il posait la question moi tout je disais non là, j'avais rien vu de ça, j'avais pas vu qu'il avait joué des tunes puis qu'il avait tordu le gainée des tunes je le savais mais la gainée puis toutes ces affaires là j'étais comme aïe, ah, man, t'es allé faire ça dans l'espace, le ouais, gars. Puis à soir, il a chanté l'hymne national. C'est un héros, man. Il chante dans la soirée du hockey, man. Pendant ce temps-là, Charles Prévost Limited se présente. Limited. Ah non, mais écoute. Je fais exprès. Lui, il se présente en politique et il gagne pas. Et voilà. Ça aurait été dit ça aussi. Voilà, on parle de politique. Il a pas été élu. Non. Il pas... non. Me semble que non. Charles? Ouais. Charles? Ben, t'sais. Charles Prévost? Allez, moi, sans sac là, de Charles Prévost. Je pense que ce silence... Mais pas quand il chante au Centre Bell. Il est écœurant. On s'en calisse. Mais non, attends. Non, non, Charles puis le flow. Si tu rasais la tête, tu le trouverais-tu aussi écœurant? Non. Bon, c'est ça. Tout est dans le flow. Tout passe dans les cheveux. Gris. Non, ils sont pas gris. Ils sont comme bruns, mais délavés. Genre Grayson Formula. Grayson Formula. Ça l'est fait comme genre c'est à peu près genre un mardi soir. Le genre de truc que tu te peignes, la petite maison dans les cheveux. Ouais, c'est ça. Puis ça l'est fait un mardi soir, puis rendu samedi. C'est comme ça. Ça n'apparaît plus. Il reste une trace. Comme les cheveux cendrés un peu. On vous rappelle que vous êtes à l'écoute d'un podcast de hockey. Dernier point justement de ce podcast de hockey. On parle encore de hockey, on parle la tête aussi. Charles Prévost Linton. Ouais, on est encore dans Around the NHL. Je veux dire, ça concerne le hockey quand même. Le dernier point que j'ai on dans On est comme le Canadien, on se relâche en troisième. Ouais, mais là... Là, les gars, ça va être le temps de payer nos respects. Steve Bégin prend sa retraite. Un warrior. Un guerrier, un vrai. Un vrai de vrai. Ouais. Un des derniers. Un gars qui se ramassait à face dans la bande. Un gars qui perdait ses dents. Perdait ses dents pour l'équipe. Là. Parle-moi un de ça. Est, un gars qui est passé. Là. Il est juste passé. Bon. Non, tu passes. Il a rien fait d'extraordinaire. Non, là, c'est Bégin. Non, c'est un warrior pareil. C'est un grinder. Là. C'est un grinder qui n'avait pas peur d'avoir mal. Là. Là. C'est un grinder qui se donnait, par exemple. Sacrifié, mais tu sais, il a une carrière quand même courte. Ah, mais là, on parle pas. On n'a pas dit qu'il y avait une carrière. Non, mais là, vous êtes comme bandé Steve Bégin. C'est comme. Oui. Bon, c'est cool. Non, c'est cool parce que c'est vraiment un bon gars. Pour vrai, là, il est vraiment cool. Là. Le gars, il se donnait à chaque match. Super smart, bien sympathique. Mais non, mais moi, je parle, c'est un warrior en son sens, dans le sens que le gars, man... C'était pas le meilleur. Il acceptait de se faire péter dedans dans la bande. OK, hey, Mark, je vais changer le terme. Ouais, vas-y donc. Un kamikaze. Oh, wow. Hey, ça dérape tout ça, là. Voyons donc. Payons respect à Steve Bégin. Mais non, mais Chris Bégin, fun à voir aller, man. C'est ça le gars que t'étais content de voir rentrer dans la bande, là. Non, non, mais sérieusement, il était écœurant parce que ça, il donnait bien de l'action. Il s'est donné, ce gars-là. Est-ce que c'est magané pour le CH, là? Est-ce a payé le prix, là? Ça fait le tour du podcast, messieurs, mais avant... Mais on l'a eu parce qu'il était à Boston, Steve Bégin. Ouais, chier. Tu manges la merde. Tout ce qu'on a dit. Mais avant de terminer, je propose qu'on aille en prolongation parce qu'il me reste un petit bloc pour vous à y aller. Alors, on y va comme ça. On s'en va dans En route vers Sochi 2014. Ok, man. Production. Gros crise de beat. Ouais. Là, t'es allé comme dans le gros budget, là. Toi, ouais, là, attention, là, plus de niaisage, ça s'en vient, là. C'est dans moins d'un mois. C'est un peu fort aussi. Ouais. On va le fermer, mais ouais, c'était mon introduction pour Sochi 2014. Là, sérieusement, si on parle de Sochi, moi j'ai envie de parler du squelette. Du squelette. On peut parler de n'importe quoi. Ben, ça, c'est fou en crise, par exemple. Le squelette, c'est. Ouais, sérieusement, je pense que j'aurais me faire geler plus. Ça, je pense que j'aurais moins peur de me faire geler par Milan Lucic, man, que faire une descente de squelette. Ben, tout ce qui est genre luge, squelette, ces affaires-là, sérieux, c'est tout assez capoté. Là. Ça, genre, même... ouais, tu mets à tune comme un jeu de Sochi. Les jeux de Sochi. Ouais, tu mets... Puis là, genre, tu sais, tu frises en dinelle. Hey, on donne-tu l'équipe Canada? Canada? J'ai deux trois affaires avant. Oh, il donne le roster. Peter Budaj va être sur l'équipe Slovaquie. Slovaquie. Il va jouer en compagnie de Jaroslav Halak. Halak! Normal. Le mot d'autres gardiens de la Slovaquie. Qu'est-ce que gueuler? Genre Halal. Halal! Halal Halak. C'est une équipe Halal! Non, je voulais juste faire comme ses fans là, qui parlent d'Halak. Ok. Fait que normal. Chris, qu'est-ce que t'as d'autre pour la Slovaquie? C'est ça, les autres sont pas mal pognés. Non, mais il reste une affaire. C'est cool quand même. C'est que le Canadien a 8 joueurs de son équipe. Pavlec! Dans c'est ça Winnipeg, je pensais que lui, les Olympiques. C'était un Slovaque. Non. 8 joueurs quand même. 8 joueurs, c'est pas mal. Les équipes qui en ont le plus, c'est 10, je pense. Puis c'est genre Saint-Louis, puis Chicago. Chicago. Puis d'autres équipes là que je me souviens pas. Plekanec va être capitaine de la République tchèque. Oui. Bravo Plecky. Oui. Ben, tant mieux pour lui. Je pensais que ça aurait été Jagger. Puis bon, ben, voilà, c'est dit. On est rendu, Dave, déjà à la composition de l'équipe Canada. C'était juste ça mes nouvelles que j'avais pour Sachi présentement. Mais composition de Team Canada qui s'est dévoilée cette semaine. Vous rappelez-vous des affaires qu'on avait dit au dernier podcast par rapport à qui on pensait, nos surprises qu'on croyait qu'elle allait pouvoir être là? Tout le Dave, on avait dit Kunitz. Kunitz. Moi, j'avais dit Kunitz puis Duchesne. Ouais, moi aussi, je pense. Kunitz puis Duchesne. Ils ont été pris. Ils ont été pris. Moi, je me suis plus pas Duchesne, mais Kunitz, c'est pas compliqué. C'est pour le pairé avec Crosby parce que ça marche puis c'est tout là. C'est ça. En fait, tu vois ils ont fait des duos. C'est pas imbécile en même temps. Les gars sont habitués de travailler ensemble. Fait que, on va voir ce que ça va donner. Tu leur mets un autre gars qui est capable de jouer du gros hockey avec eux autres, ça peut donner des Mais là, tu rentres comme d'une chimie de chambre là, que tu t'as beaucoup de têtes fortes. Voulez-vous qu'on fasse la liste des joueurs? Ok, check. Gardien de but. Trois gardiens de but de l'équipe. On a Luongo, Price puis Mike Smith. Moi, d'après moi, ça va jouer entre Price et Luongo pour le starting goalie. J'ai l'impression que ça va être Price. Ouais. Je dis ça de même. Mais Luongo a quand même gagné. Là, Luongo, c'est Luongo qui me semble. Là, ouais, mais il est supposé être prêt pour... Ouais, il devrait, mais il est vieux un peu. On a les 8 défenseurs. Jay Bouwmeester, Drew Doughty, Duncan Keith, Dan Amuse. Ça m'a surpris. Pietrangelo, Subban, Vlasic, puis Shea Weber. De grosses surprises là-dedans, à part Amuse qui était comme plus. On va voir la liste encore, juste checker de quoi. En fait, ce qui est le plus surprenant, c'est au niveau de l'attaque. Là. Ouais, l'attaque. Bon, Jamie Benn, Patrice Bergeron, Jeff Carter, Sidney Crosby, Duchesne, Getzlaff, Kunitz, Marlowe, Nash, Perry, Sharp, Stamkos, Tavares, puis Taves. Ouais, ça c'est bon. Fait que tout est bon, mais ce qui est comme surprenant, c'est qu'il y a des joueurs qui ont été écartés comme Martin Saint-Louis. C'est un choix douteux d'avoir écarté. Non, c'est pas un choix douteux. C'est un choix émotif pour nous autres. OK? Puis c'est pas un choix douteux parce que tu regardes toute la liste des joueurs là, puis tu peux pas dire qu'il y a un joueur qui est moins bon vraiment que Saint-Louis. Peut-être pas autant scoreur. Saint-Louis, il est peut-être. Tu sais, tous les gars qui sont là, c'est tous des joueurs rapides. Puis en plus, c'est qu'ils sont. Non, pas tous rapides. Ils sont tous rapides. Marlowe, c'est pas rapide. Ok, man, check Marlowe jouer, il est rapide, Marlowe. Non. Marlowe est rapide, man. Non. Saint-Louis est pas beaucoup plus rapide que Marlowe. Ben oui, man. Puis l'autre est pas mal plus gros. Il y a gros. Bien plus d'explosion, là, Saint-Louis. Ouais, mais il a ralenti, Saint-Louis. Ouais, il a ralenti, mais Asti, en tout cas, moi, sérieusement, là, Saint-Louis, là, c'est un Asti de scoreur, man. Asti, là. Puis. En tout cas, j'aurais vraiment aimé ça. Moi, c'est sûr, c'est le choix émotif. Ben oui, mais j'aurais aimé c'est ça. Émotif, c'est sûr, c'est ça. Puis, c'est ça, Marlowe, c'est un ça choix fait émotif. Chier, man, il y a pas scoreur. Puis Adef, Jay Bouwmeester, là, c'est vraiment, là. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça, là? Il aurait pas pu prendre Steve Seabrook. Ouais, mais là, ils sont allés pour les gauchers droitiers. Ouais, Seabrook, man, il est fou. Ouais, ils sont allés gauchers droitiers. Oh, mon calice, man. Seabrook, il est fou, man. C'est ça qui arrive. Je m'en fous, le gaucher droitier, puis tout ça, là. Je veux dire, je comprends, là, jusqu'à un certain point. Mais non, oublie ça. Là. Tu ne vas pas garder Seabrook. Je pense que moi, tous les joueurs qui sont là, ils méritent tous d'être là. Man. Tu pourrais avoir une deuxième équipe. Non, ils méritent tout. C'est tu sûr. Tu pourrais c'est avoir sûr. Une deuxième équipe de genre ça d'équipe fait Canada. Chier, pis, j'aurais aimé ça. Moi, que Saint-Louis, il y a beaucoup de talent. T'as les Stalls, t'as Saint-Louis, man. Nomme-en des ça joueurs fait qui sont chier, pas dans parce que Saint-Louis, là, c'est un gars qui s'est comme battu man. Toute son style de carrière pour dire tout le temps. Tu sais, ce gars-là, il a même pas été repêché. Il a même pas été. Lui, là, il s'est fait ramasser, là, comme. Tu sais, genre par la porte d'en arrière qui est rentrée dans la ligue. C'est vous que Subban, il va jouer star comme... Ben oui. Often, genre? Oui. Pensez-vous qu'il va se faire bencher 10 minutes en fin de troisième période? Non. Mais dans les Olympiques, je pense que c'est... C'est-tu quoi? Moi, je c'est 20 joueurs. Je suis sûr d'en c'est affaire. C'est pas 18. C'est... Ben non, c'est plus que ça. C'est, non, c'est 20 joueurs. C'est 24, me semble. Non, je pense que c'est 20. Ah, ça, c'est plus... En tout cas, c'est 20, c'est pas 18, là. 18 dans mais les nationales. Il y en a comme 3-4 de plus disponibles. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il est là, mais il va jouer, d'après moi, dans des situations genre de genre avantage numérique ou tu sais, genre vraiment moi, quand ils veulent compter là, un but. Je suis sûr aussi qu'il va en mettre plein à vue. Là. Dans le chandail du Canada, là, ça va être. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais sûr, il va être explosif puis il va flasher. Je vous arrête, le Canadien vient d'égaliser Toronto. Oh! Voilà. Non, Subban en plus. Subban, pendant qu'on en parle, tu vois. Non, dernier. C'est dernier, je pense. Ouais, tu sais, l'écouteur que Terrien a sur le bord de l'oreille, sur le banc, c'est sûr qu'il nous écoute live. Là. Ouais. Tu sais bien. Oh, ça a dévié, ça. Okay. Bon, voilà. Alors, ça passe à travers. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Moi, côté. Gas, ouais, c'est vrai ça. Souben, là, je suis sûr qu'on va le voir vraiment là, en fou. Là. Non, j'en parle des Olympiques. Souben, je suis sûr qu'il va être super présent. Puis qu'il va être vraiment performant. Puis qu'il va forcer la main au coach, à l'organisation, de le mettre plus souvent sur le jeu. Je suis sûr et certain. J'ai hâte de voir pour lui. C'est une grosse patinoire comme une patinoire olympique. Là. Il va avoir de la place à se déplacer. Là, puis il va prendre bien des initiatives. On va assurément faire une game. Probablement pendant les Olympiques ou après le hockey. Je sais pas quand est-ce qu'il va être le mieux de le faire. Pendant, ben oui. On va le faire pendant, avant, faire une petite mise au point. Puis on va faire une semaine ou deux le tournoi. Ben, c'est deux, je pense. Deux? Ben, on ça, va regarder ça, mais on va essayer de céduler un podcast pendant parce que. Ah, ça serait cool, ça. La fièvre olympique. Pourquoi on écrit Sochi avec un T en français, Calis? Ah, c'est pas. Hey, je l'ai vu, ça, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que les Russes, ils écrivent, ils ont une lettre. Ça a été décrété par la langue française? Drette ça, man. Parce que les Russes, ils ont... Je l'ai vu, c'est marqué sur notre feuille. C'est juste mais... ça. C'est que ça a été. La langue française a choisi que ça prenait un T. Ah, fait voilà. Qu'ils ont mis un T. Mais pourquoi? En anglais, puis en russe, ça s'écrit pas de T. Je sais pas, man. Puis Radio-Canada, là, c'est le diffuseur officiel, je pense, pour le Canada, pour les Jeux Olympiques. Ouais. C'est marqué Sochi, pas de T dans leur infographie. Ouais, mais non, ça c'est l'infographie officielle des Jeux Olympiques. Ah ouais, okay. C'est ça. C'est vrai ça qu'il disait dans l'article que j'ai c'est lu. Ben, c'est point RU l'adresse. C'est bien du niaisage. C'est ça qu'il disait dans l'article que j'ai lu, c'est que, mettons, les Jeux Olympiques vont jouer, mettons, à télé en français, là. Ouais. OK, comme à TVA, ça va jouer, à RDS, ça va jouer. Avec un ça va être marqué Sochi, ouais. Pas de T. Ah, l'infographie visuelle, tu vas voir à la télé, ça va être marqué pas de T. Mais quand il en parle dans un article, puis qu'ils l'écrivent, ils mettent un T. Parce que la langue française a décidé que c'est comme ça. Tu veux dire, ça va être l'infographie, genre, présentée par Sochi, genre, directement comme la... Parce que l'infographie officielle, c'est imposé. Parce que eux autres, c'est comme ça qu'ils l'écrivent. C'est le trademark. C'est ça, ouais. C'est carrément... C'est vraiment épais, là. Ben oui, c'est ça. Tu vas sur le site, c'est sochi.ru, puis c'est pas de T, puis je veux dire... Ouais, c'est ça. Pourquoi tu rajoutes un T? T'as-tu vraiment besoin de faire Sochi? Sochi. On est prêt à dire ça. Ça doit être un linguiste, là. Chris qui a dit que, gars, la prononciation de Sochi, ça va être pour, mettons, des francophones, ça va se dire avec un T. C'est juste pour. Sochi. Ah, le mot, les mots du linguiste. Qui ah, ben, coudon. Bon, voilà. Regarde, moi. Prononcez-le avec un T. Moi, je mets ça sur le dos des linguistes. Voilà. Les cunilinguistes. Les cunilinguistes. Sur ça, c'est la fin de notre segment de Sochi. En route vers. Puis tu repars. Là, la logo, c'est vraiment de la merde. La production sur un mot comme cunilinguiste. Puis genre, tu pars. Sochi. Hey, Sochi. En route vers Sochi. Ça, c'est comme l'autre fois dans Games Canadien quand on est à Ottawa, ils ont mis la toune de Requiem for a Dream. C'est une anecdote, ça là. Ouais, ils ont mis la toune de Requiem for a Dream, esti. Oh, là, c'était comme trop intense. Ah, ouais, c'est comme ok. Le... Allez, calmez-vous. Là, on se calme. Mais moi, donc, Welcome to the Jungle à la place de l'intro. Mais il faisait jouer du Jerry Boulet pendant la game. Ou je sais pas quoi. Il faisait jouer des tunes en français. Ouais, mais ça, ils sont obligés de passer un pourcentage de tunes français là, pendant le show. Là. C'est drôle. J'ai plus de sujet, moi. Avez-vous d'autres. C'est drôle. D'autres trucs que vous voulez aborder avant qu'on termine le podcast? Oui, on aimerait ça parler du pourcentage de nombre de chansons. On va parler de la soquant un peu. Hey, moi, j'ai un petit sujet qu'on pourrait aborder. Vas-y, fort. Ouais, on a-tu pas mal fini hockey, là? On a fini Run the NHL. On a fini Pascal Bouté, les boys. Ouais. Ouais, là, ça vaut-tu la peine d'en parler? Oh. Ça joue dans 2 heures là, pour nous autres qui enregistrent présentement. Hey, ben, ok, c'est bon. Est-ce qu'on enregistre tout de suite nos prédictions? Parce qu'on s'attend que c'est comme un event. C'est supposé être un super gros event au Québec. Là, c'est un gros event au Québec. C'est un gros event, mais je veux dire, le fait qu'il a comme été annulé une première fois cet event-là, tu fais-tu genre comme, ok, là, tu sais, c'est comme mort, là, pis ça a comme été réanimé, là, tu sais, ça a été comme été ramené au défibrillateur depuis le dernier jour, parce que là, mais moi, je pense que vu que ça a été annulé, ça a fait chier le monde, puis là, c'est comme, oups, c'est vraiment reparti, puis on dirait que c'est parti fort, puis là, je pense qu'il y en a de la. Ouais, mais est-ce que les boxeurs. Est-ce que les deux boxeurs sont comme devenus comme trop poches dans leur carrière, un petit peu chacun de leur bord? Tu sais, genre que tu fais comme. Ok, c'est plus. Non. T'aurais fait ça il y a 3 ans. Ouais, pour vrai, le match, il est vendeur genre pour les grosses compagnies HBO, ouais, c'est un gros événement, pas juste ici, c'est un main event aux États-Unis. Ouais, là, mais je veux dire, dans ton cœur de fan de boxe, tu sais, genre, il y a 3 ans, t'aurais-tu fait comme. Ok, oui, ça aurait été plus approprié. Il y a 3 ans, quand les deux étaient comme un peu dans leur prime, j'sais que Bouté n'avait pas affronté Frotch, puis on pensait que Bouté était comme, tu sais, plus plus solide que ça. On l'avait pas vu avoir un vrai test. Oh, mais ils se battent pas dans la même catégorie. C'est dur à prévoir en même temps quand est-ce que ça aurait été un meilleur moment, je pense. Là. Ouais, mais ça aurait été comme. Les deux, Boutet avait toutes les hosties de ceinture sur ses épaules. Tu sais. Mettons, puis là, Pascal, c'est mais Pascal très fort. Pascal, aussi. Très fort aussi. Ouais, c'est ça. Mais Pascal, très fort mais aussi. Mais une autre catégorie. Tu sais, je veux dire, c'est dur à dire. Ça aurait été plus hot, moi, je trouve. Ben, je sais les pas. Deux, moi, je pense que. Les deux ont de l'air de c'était un combat, puis de faire un gros coup d'argent, genre, avant de dire comme. Ouais, tu sais, je pense plus que j'ai vraiment de chance d'aller si loin que ça. Genre d'avoir ça. J'aurais aimé ça quand les deux étaient dans leur prime, quand les deux étaient comme full champions. Ouais, mais après là, ça, t'sais. Imagine si ça mène, je sais pas, un combat contre Stevenson. Ce serait écœurant, là. Et si, moi, je veux même pas voir Boutet contre. Et Stevenson accepterait jamais ça. Je veux dire, Boutet accepterait jamais de. Sûrement pas. Non, sûrement pas parce que ce qui l'attend, là, on l'a vu, là, contre Frotch, là. C'est il a pas toffé. Pop Frotch. Ouais, ah ouais, Boutet ok, Boutet contre Frotch, ouais. Ok, je pensais que tu parlais d'Adonis. Puis Frotch, contre... je serais curieux de voir Bello, un combat là. Stevenson, moi, contre Frotch, admettons. Ouais. Tu sais, là, un genre de combat de même, ça serait comme complètement sont pas dans une catégorie, fou. Par exemple. Mais quoi que, ah, il l'a déjà loin. Été. Il ouais. L'a déjà été. Ben Stevenson oui, parce que... était là avant, il a monté de catégorie pour affronter Dawson. Puis Pascal a déjà affronté Frotch, anyway. Ouais, ouais c'est je ça. Dire, lui, tout, il a monté tout... de catégorie. Ouais, c'est ça. Dans le fond, là, c'est ça, Boutet vient de monter de catégorie. Ouais, c'est Boutet qui a bougé. Qui tu prends, toi? Entre Boutet et Pascal. Ouais. Moi, ben, sérieusement, je pense que Boutet va gagner par décision. Toi, tu penses que Boutet gagne? Ouais. Ben, moi, je pense j'ai que peur oui. Que... Je pense qu'il va s'en tirer par décision. Tu sais, pas par knock-out parce que Jean-Pascal n'a jamais moi, été knock-out. Moi, je pense que Jean-Pascal va c'est gagner, impossible. Mais j'espère que je me trompe. Non, mais ça se peut. Sérieusement. Non, mais pour vrai, j'aimerais bien me tromper. Mais ouais. Parce que je voudrais que Boutet gagne. Puis je pense qu'il y a des chances de gagner. Là. Ça dépend de tellement de facteurs. Non, mais moi, temps, je dis Boutet parce que j'en choisis un, OK? Mais tu sais, choisis celui que je préfère aussi. Ben, mais tu sais, je pense que c'est lui. Mais je dis parce c'est que... Choisir, mais je pense que Pascal a autant de chance. Ouais, c'est ça. Mais je pense que Pascal, il va le shaker en hostie. Boutet, là, à soir, là, il va être sonné, là. Mais qu'il se fasse à côté, c'est ça que j'ai hâte de voir. Mais comment ça, il va si répondre sonné, après une bonne shot. C'est ça, moi, si ça le ramène dans son pattern contre Frotch, genre là, qui s'il se fait sonner puis se ramasse à comme Frotch, c'est fini, là. C'est fini. Parce ça va que se là, finir en genre. Pascal, c'est un boxeur de 5 rounds à peu près, là. 5-6 rounds. Ben, fait que ça va ouais. Se passer dans ces rounds-là. Ouais, c'est ça. Mais check bien ça. Mais moi, j'ai hâte de voir comment qu'il va réagir quand il va. Attends, tu peux. Hey, ça, c'est bon pour okay, le podcast, bon. Les gars. Bravo, aussi. Non, non. Vous n'avez pas le faire ça. Ce qui est bon, par exemple, c'est que c'est Mart arrête de parler. Là. Moi, je le laisse parler. Je pensais qu'il y avait un goal. Je fais juste m'en virer. Puis là, Mart, il s'en va. Puis il check la télé. Là, okay, check, okay. Il arrête de parler. OK, là. C'est trop long. Fait que là, on fait... Non, j'ai juste hâte de voir si jamais Boutet, il se fait vraiment accrocher solide. Comment qu'il va répondre de ça, puis comment qu'il se laissera pas tomber dans le pattern de genre tomber dans le coin puis à côté d'un câble, tu sais là. Ouais, ouais. C'est juste ça genre de voir. Avez-vous entendu la déclaration de GSP cette semaine concernant ouais, le dopage rare, à la UFC? Il se bat le cœur là, puis il est en train de monter une guerre aussi contre Dana White. Dana White a dit que c'était n'importe quoi, qu'est-ce qu'il disait. Puis... D'après moi, si GSP est en train de se partir une ligue parallèle à UFC, là. Wow. Il commence à faire une compétition. Non, mais sérieusement, c'est du gros lavage de linge, là, pour vrai. Là. Ouais, penses-tu que GSP, il est net, toi? Ben, GSP, c'est sûr qu'il y a un petit bitch tits, là, un peu. Attends, non, GSP, par exemple, il dit qu'il n'a jamais rien pris. Puis il a de l'air de, tu sais, je veux dire, GSP, je pense pas que c'est un gars qui parle dans le mic tellement pour dire n'importe quoi, puis pour faire de l'argent, bon, puis pour faire du cash. Là. Je pense que GSP, s'il dit, puis il ose... Mais je sais qu'il y a un asti de shape. Je veux dire, c'est dur à dire, là, pas vrai. Là. Le fait qu'il fasse des déclarations c'est très même, dire. Par exemple... Non, on pourrait pas le dire. J'ai l'impression qu'il reviendra pas, là. Non. D'après moi, il est en train d'enterrer, comme il est en train de creuser le fossé. Ouais. On dirait qu'il se trouve une façon, justement, de comme... peut-être se détacher de ça, genre. Ouais, mais je pense qu'il est vraiment fâché, pour vrai. Je pense probablement. Je pense pas que c'est un gars qui fake. Juste à l'écouter par l'anglais, il peut pas faker. Non mais sérieusement c'est un bon gars. Non mais pour vrai bon là, point, là. Ben, là non mais c'est un gars sincère GSP man. Il pourra jamais je pense mentir en plein micro à du monde pis dire non moi je me suis jamais dopé, j'ai jamais fait j'ai comme le goût de le croire man, qu'il s'est jamais dopé pis qu'il veut vraiment changer la face du sport mais ouais, yeah. Je pense pas qu'il fait ça par la porte d'en arrière parce que je pense pas que c'est un lâcheux pis c'est un gars qui est fier en hostie. Je pense pas qu'il va faire comme je vais faire des comments de même genre pour mais il y aurait aucun intérêt de toute façon à faire ça c'était pas vrai, autre que pour se vulgaire. Ben, c'est ce que je pense. Je pense que c'est ça, moi, tout. Je pense qu'il est vraiment... C'est pas vraiment un move politique. Il y a rien à gagner de dire ça. C'est ça, tu sais. Il veut pas détruire le gars. Je pense qu'il dit qu'est-ce qu'il en est, puis lui, il trouve ça poche, ce type. Lui, il veut pas que le monde se fasse blesser par du monde qui prennent trop de stéroïdes, puis qui sont rendus beaucoup trop surpuissants. Puis au contraire, c'est comme ça peut rien que te donner une bonne presse de parler de même envers ce sport-là, parce que en plus, quand le monde qui ont vu le combat de GSP, ça, il y a tout un débat qui vient après, c'est quoi à tête? Que là, on en parle tellement que ça vient même au UFC. Puis là, tu fais comme, OK, c'est un sujet qui dépasse le hockey, qui dépasse le football. C'est le UFC, c'est la boxe. On en parle dans toutes les sphères du sport, là, tu sais. Puis lui, est comme, on dirait qu'il veut comme travailler dans ce sens-là. Tu sais, régulariser le sport pour le mettre comme vraiment honnête, un sport qui n'est pas croche. C'est un bon ambassadeur pour le sport en général. Ben, c'est ça, exact. La protection des joueurs, puis des athlètes. Exact, puis je pense que c'est un gars qui a une crise de bonne tête des épaules, puis non, c'est, ouais, c'est un bon gars, ça, GSP. Là. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, man... Ben peut-être, hey Dave, peut-être je suis naïf. T'as une belle naïveté, t'es une belle naïveté, t'es tellement naïf. Non, mais... je sais pas. Mais non, ça se peut aussi là, qu'il y a peut-être qu'il essaie de se détacher, c'est comme les joueurs d'à peu près n'importe quel sport. Le hockey, là, tu sais, je veux dire, c'est... T'es sûr que c'est tout clean, là, tu sais, qu'il n'y a pas des hormones de n'importe quel que tu voudras, t'sais. Mais il y a une chose qu'on peut... Il y a tout le temps des affaires de même master, là. Il y en a dans tous les sports, il y en a dans tout, man. C'est des performances, genre des affaires pour t'aider à performer plus, man. Puis ouais, c'est des hormones, puis des affaires de croissance, puis il y en a dans pas mal tout à ce temps. Ouais, ah ben, tout cool, cache aussi. Le Canadien vient de se faire compter. À ben des niveaux, puis là, ça fait chier en tabarnak. Ça va mal nous finir un podcast, malheureusement, mais là, présentement, c'est 4-3. Ben anyway, ouais, fait que c'est ça. Fait que. Ça fait le tour, je pense, de ça. Bien beau. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de gagner? Toi, t'es là en arrière du mic. Je n'ai parlé. Tu me dis qu'il a fermé notre boîte. Non, mais moi aussi, je veux le croire en GSP. Puis je... Non, mais on parle de Boudé Pascal. Boudé Pascal. Ah, là, je ne veux même pas la conversation. Hey, tu suis pas le puck. Je te laisse cadrer avec ça. Ça, c'était une belle passe à la palette, tabarnak. Bon, ben, pénalité pour moi pour pas avoir suivi le puck. Ouais, c'est fou. You can do that. Ouais, ok, de bord. Non. Ouais, t'as peu. Repasse-moi les encore. Ben, you can do that deux fois. Bon. Ça aurait été dit. Mon cœur est avec Bouté. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui rit, genre, sur le stage site, genre, quand on en Ouais, non, mais c'est quelqu'un qui rit dans ça, en effet. Ouais. Ok, fait que Bouté, toi. Mon cœur Bouté, mais ma tête, Jean-Pascal. J'ai de la misère, je présente les deux là. Je voudrais que Bouté compte. Ben, Bouté compte, tu vois. Je suis pogné sur le mot. Compte un but, esti. Je voudrais que Bouté gagne, mais je pense que Pascal va gagner. Ah ouais. J'ai hâte de voir. Bouté va te faire. J'ai qu'il va se faire knocker. La question de la soirée, est-ce que Pascal va faire des push-ups sur le ring? Non. Mais non. Tu vois, tu sais, Bouté commence genre à rentrer dans un autre personnage pour commencer à faire des push-ups. C'est comme Bernard Hopkins, man. Non, mais imagine si c'est Bouté qui le faisait, mais avant Pascal. Ouais, c'est puis ça. Là, genre, ça. Pascal, il regarde et il est comme tabarnak. Puis là, il en fait encore une deuxième fois. Puis il a l'air encore plus épais que contre Hopkins. Ben, sur ça, ça fait le tour de l'épisode 8 de la soirée. Non, attends un peu, on va pas finir de même. Non? Non, hey, c'est des pochards de Bouté. Ben, tu finis sur un call de hockey, je sais c'est pas. C'est bon, ouais, c'est toi qui close ça, là, Dave. Bon, you can do that. You can do that? You can't do that! On n'a pas le droit de finir de même. Ça, là. On devrait tous avoir une Switch pour le You Can Do That. Ouais, on devrait tous pouvoir You Can Do That. Je vais aller chercher, tu sais, le gros piton rouge. You Can Do That ton prochain. Chez Bureau en gros, là, que tu pèses là-dessus. Ouais, là, ça. You Can Do That, moi, à face. Ben, moi, je vous invite à venir nous poser des questions, commentaires sur Facebook puis sur Twitter. Twitter, @soirée du podcast, puis Facebook, @la soirée du podcast. Oui, oui. Fait que, Donnez-moi 5 étoiles. Ouais, donnez-nous 5 étoiles sur iTunes. Dave, c'est-tu qui se quête un 5 étoiles? Hey, donnez-moi 5. C'est comme un genre de donner généreusement. Hey, donnez-moi 5 étoiles, là. Aïe. Bon, on se revoit. Calvaire. T'es rendu que tu têtes un 5 étoiles, Mais je parlais d'un hôtel, là. Genre, envoyez-moi des fonds. C'est quoi les hôtels à Québec? Les hôtels Jarreau. Par année Dave pour l'envoyer une fin de semaine à l'hôtel Jaro. Ok, on veut ça. Faut que vous m'envoyez dans un 5 étoiles. Envoyez-vous des fonds, esti. Envoyez-moi dans un 5 étoiles. Si, il va t'envoyer des fonds, t'es esti. On va s'ouvrir un compte PayPal. Chris, ça te fait masser sur le bras du monde. Fait qu'on va s'ouvrir un compte PayPal, vous viendrez donner généreusement pour. Non, faites pas ça. Non. Le 5 étoiles Jaro à David. Non, c'est pas cool. T'es juste un jeune. Oh, esti, sûrement. Fait qu'on s'en revoit dans deux semaines, tout le monde.